À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Et donc, je me suis déguisé, je me suis mis un casque de motard. J'ai eu les jetons, c'est tout. T'as vu un hérisson sur la route ou quoi? J'ai vu moi. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Adisat, bonsoir, vous êtes à l'écoute de Fausse le dire, il est 18h tout pile, on est ensemble jusqu'à 20h en direct à la radio et en direct également sur Facebook. Beaucoup de sujets aujourd'hui sur la table, il y a deux événements déjà. Pour commencer, nous aurons cet événement là, Jean, avec Vidéo Club. Extrait Vidéo Club. Et moi, j'écris le temps qui passe. Fausse le dire reçoit en exclusivité la nuit, la lune, Vidéo Club. Vidéo Club. On bat l'ennui. C'est dans ta tête. Juste avant leur montée sur scène. Fausse le dire sur Radio Occitanie, 18h, 20h. Et ils seront avec nous au Vidéo Club à partir de 18h10. Merci beaucoup Anaël pour ce jingle qu'il a fait. Il a des bandes-annonces, le petit coquin. Ah là là. C'est bien, ça commence à ressembler à une vraie émission. Ça commence à ressembler à une vraie émission, ah, hein, oui. C'est fou, hein. On a du budget. Hein. Ouais, ouais. Budget Coca-Cola pour Anaël. Comment ça va, Pierre? Pierre-Nicolas est là ce soir? Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais on vit un drame depuis une dizaine d'heures, on est en deuil. Ouais. Qu'est-ce qui s'est le passé? Le monde des rigolos et de... Il y a eu un accord sur le Brexit. Ah, va faire, ah, de quoi on va parler? De quoi on va parler? Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette. Non. Ça va être signé samedi soir et le Parlement britannique a déjà dit qu'il ne le voterait pas. Ah, voilà, oui, on ira. Ah, et on me dit que Boris Johnson est de retour. Et Nigel Farage aussi. Ah, ben très bien. Oh, voilà. Ça va. Oh, il voudrait un nouveau. Boris Johnson voudrait un nouveau. Comment il voudrait faire voter les gens? J'ai oublié le mot. Ça commence bien. Référendum. Oui, voilà, c'est ça, un référendum. Un truc démocratique. Eh ben, de quoi on va parler? Oui, il se dit de plus en plus que c'est un coup des Russes, que ce sont les Russes qui ont fourni clé en main tous les éléments pour pour que les Britanniques votent, parce que les Russes, l'Europe, ça ne les intéresse pas beaucoup, voilà. D'accord. Bon, et ben faire à suivre. Ginger, qui est là aussi avec nous, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Oui, vous m'avez manqué. Mais oui, ça fait un moment que t'étais plus là. Ça fait 2 semaines. Et ben voilà. J'ai compté. Ça fait combien de dodo? Ouf, c'est trop. 28. 28 ans. Tu nous parleras de quoi, Ginger? Pas grand chose en fait. J'ai quelques petites infos d'actualité et tout ça. Et ben, on en parlera tout à l'heure. Et Clément Pêche qui est à ma gauche, comment ça va, les chouchous? Oui, t'es au bureau toute la journée. Ben, oui. C'est amusé, on a fait les foufous. Voilà, exactement. On s'est couru après dans les bureaux. Voilà. Et voilà. On est tombé. On s'en fout un peu. Hein. On s'en fout complètement, oh, ouais. Même. Bon, tu nous parleras de pas mal de choses aussi aujourd'hui. Oui, je parlerai économie encore une fois. Je parlerai donc de la disposition donc qu'a voté récemment le bureau de l'Assemblée nationale concernant la dotation d'hébergement des députés. Très bien. Et ça va être sérieux, ça. C'est les mêmes que ceux qui ont baissé l'allocation ou la PL. Ben évidemment. Et voilà, c'est ça. Oui, oui. Il y a une allocation qui a augmenté, on en parlera tout à l'heure. Il y aura le vrai, pas vrai de l'info. Voilà, c'était le Gorafi, pas Gorafi. Ben, je l'ai transformé en ça. On a Jean-Loup à la technique. Coucou. Bonsoir. Qui nous sauve parce que le réalisateur est en retard. Et Anaël sera là vers 19h. La playlist. Voilà. On a oublié de parler de la playlist. La playlist, oui. Je me suis pas embêté, vous allez voir. La semaine dernière, c'était musique et télévision. Cette fois-ci, ce sera musique et cinéma. Le cinéma, très bien. On passe de la petite lucarne au grand écran. C'est fabuleux. Ben merci, merci beaucoup. Ça sera tout à l'heure. Merci Jean-Loup pour la réalisation de ce début d'émission. On a un autre événement tout à l'heure. On passera un extrait de Bon Entendeur et on a aussi une bande-annonce. Habillage Bon Entendeur. Bon entendeur. Et voilà, encore une bande-annonce à Anaël qui fait qu'on a encore une plus grande radio qui a encore 5 minutes. Voilà. Bon entendeur, ouais, c'est un événement en fait. On allait les interviewer directement dans leur loge au bikini. Voilà, et c'était super. Ils nous ont en plus invités au concert. Et ils avaient des petits abricots secs bio. Voilà, qu'on a pu manger ensemble. Et ça, c'était un moment fort agréable. C'est les coulisses. On sait comment vous faire plaisir. Une chips, peut-être. Ah oui, j'en prendrai tout à l'heure. Ah, moi, chips, je veux bien. Ouais, les chips et du saucisson. Vraiment les chips, oui. Ensuite, on parlera politique avec Antoine Maurice d'Europe Écologie Les Verts à la mairie de Toulouse. Il sera avec nous par téléphone pour répondre à nos trois questions. C'est une chronique, une rubrique d'Anthony Vella du Petit Journal du Pays Toulousain, parce que c'est ce concept-là qui appartient au Petit Journal. Ben, ce soir, on l'a repiqué, voilà, et j'ai demandé la permission, et c'est OK. Il y aura mon coup de gueule qui sera sur les pompiers. Et ça, on va commencer un petit peu avec les actus qu'il y a eu cette semaine. Oui. Toulouse, le feu couve chez les pompiers, prêt à se mobiliser pour davantage de moyens. Il y a déjà eu beaucoup de mobilisations, notamment à Paris, environ 7500 sapeurs-pompiers en grève, qui ont manifesté ce mardi 15 octobre. On a pu voir les images. Leur principale revendication, c'est le maintien de leur régime de retraite, la revalorisation de la prime de feu, davantage de moyens humains, mais aussi de sécurité lors des interventions. On en reparlera tout à l'heure. C'est mon coup de gueule du jour. J'ai eu un pompier au téléphone. Hier soir, il était 21h et je peux vous dire qu'il était très très très en colère. Ouais, très remonté. Et j'étais aussi en colère que lui. Du coup, voilà, on a passé un bon quart d'heure au téléphone à se dire qu'on n'était pas content et qu'il viendra nous en parler dès qu'il sera disponible. Pour les fumeurs, il y a des fumeurs ici ou pas ? Non, enfin bon, en régie peut-être. En régie, on me dit que oui. Eh bien, l'aviron en Andorre au départ de Toulouse va être moins intéressante, figurez-vous, parce que le prix du tabac y augmente. Mmh. C'est pas qu'en France que ça arrive. Ah, la principauté d'Andorre avait voté la hausse au mois de février dernier, pardon. Elle devrait entrer en vigueur le 23 octobre, mais elle sera moins importante que prévu, rassurez-vous, pour ceux qui fument encore. Il n'y a pas de souci. C'est une hausse qui est claquée sur le prix espagnol, une décision qui augmente donc le prix du tabac, mais dans une mesure moindre que ce qu'aurait pu craindre les fumeurs invétérés. En effet, en février dernier, le Parlement andorran avait adopté un texte pour fixer un prix minimum du tabac. Donc voilà, pour ceux qui fument, je pensais que l'info était importante parce que j'ai plein d'amis qui vont en Andorre et donc c'est pour eux ce soir. Voilà. Donc tu les encourages dans leur vice. Non, je leur dis que bon, ils payent moins cher la clope, mais ils payent plus cher l'essence. Alors techniquement, soit j'arrêterai, soit j'achèterai en bas de chez moi. Voilà. Voilà. Emploi, plus de 200 personnes attendues lors d'une grande journée de recrutement à Toulouse. Alors c'est basé à Toulouse, le groupe All For You organise une grande journée de recrutement lundi 28 octobre au salon de la compagnie rue Alsace-Lorraine. La fourchette des salaires se situe entre 1 450 € et 3 000 € net par mois, selon l'expérience et de poste à responsabilité. Détail All For You. Au total, une soixantaine de postes sont à pourvoir. Oui, mais c'est pour faire quel métier ? Eh bien, justement, c'est pour faire... Animateur radio. C'est pour les restaurants. Ça paye pas. C'est pour les restaurants. Ça va lui payer. Ouais, ça va payer. C'est pour les restaurants, tout simplement, travailler en restauration. Voilà, c'est un groupe de restaurants qui recherche du CDI, du CDD, temps plein ou partiel. Donc, d'accord. Voilà, c'était la petite annonce du jour. En parlant d'actualité, je peux poser une question ? Oui. Quel est le titre de ce film sur une ville sous la dictature qui se tourne en ce moment à Toulouse ? Parce que je suis promené hier après-midi dans Toulouse. Il n'y avait pas de Toulousains, pas de Toulousaines. Il n'y avait que des flics. Il manquait des chars d'assaut, peut-être, éventuellement. Et voilà. Et la ville était vide. Alors, c'est très curieux. Je me suis dit, on doit tourner certainement un film sur une dictature d'Amérique du Sud. Ouais. Que s'est-il passé hier à Toulouse ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a jamais aussi bien roulé sur le périph'. Ah, ça, c'est... Ça c'est sûr. Et oui, la venue d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, ça a été, ça a été comme d'hab. Pourtant, c'était à Blagnac, je crois, qu'ils étaient. Il y a même un téléphone qui sonne. Il y a même eu la collecte des ordures ménagères qui a été décalée et tout. Enfin, il y a eu des parcs qui ont été fermés. Mmh. Mais au nom de quoi tout ça ? Parce qu'on ne va pas me dire que c'est pour la sécurité. Il n'y a pas autant de gens qui veulent tuer Emmanuel. À mon avis, il n'y en a pas en plus. Alors au nom de quoi ? Au nom de quoi on organise ce délire chaque fois qu'un chef de l'État... c'est quoi le but ? C'est qu'il ne voit aucune voiture, qu'il ne voit aucun Toulousain, qu'il ne voit pas comment vivent les gens. C'est qu'il puisse se déplacer en voiture. Alors il n'y a qu'à le faire en hélicoptère, c'est le seul problème. Franchement, je ne comprends pas. En gros, alors ça va faire gros bof, mais pourquoi on emmerde 100 000 personnes pour deux, quoi ? Oui, oui. C'est oui, en gros, hein, en très gros. J'en sais rien. C'est vrai que, ouais, et puis c'est dommage qu'un président ait autant besoin de protection aujourd'hui. C'est, on est censé l'apprécier, le président, on est censé... Mais est-ce que c'est de la protection ? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire, si on veut déjà protéger quelqu'un, il faut qu'il soit menacé de mort toutes les secondes. Voilà. Surtout à ce point-là. Surtout à ce point-là. Est-ce que ça vaut la peine de fermer la rocade de... Enfin, je sais pas. Mais effectivement, j'ai l'impression que dans les anciens déplacements, il n'y avait pas autant de sécurité et de bordel, quoi. Bon, c'est peut-être parce que c'est tendu en ce moment, l'Europe, tout ça, vu qu'il y a Angela Merkel. C'est quoi qu'ils ont fait à Biarritz récemment, c'était pareil, c'était le délire ouais, sécuritaire, mais qui même les gens là-bas les surprenaient, quoi. Après, c'est con, parce qu'il y a quand même un super bureau avec une belle moquette, des beaux, tu vois. Qui s'en servent, quoi. Oui, ou des blocos, j'en sais rien, des trucs que personne ne peut rentrer dedans, où ils seront en toute sécurité. Si la sécurité est le problème, je crains que le problème soit ailleurs, quoi. Ouais. Eh ben, écoutez, c'est pas joyeux tout ce qui se passe en peut-être ce moment. Peut-être que c'est un complot. Ça n'arrange pas. Un complot ? Ouais, voilà. C'est un complot, je pense. Ouais. Sûrement. Clément, qu'est-ce que tu en penses ? Tu es journaliste et qu'il est toujours un peu quand même dans l'âme. Oh, j'en pense que moi, c'est assez inquiétant de voir des gens de pouvoir faire le vide autour d'eux comme ça lorsqu'ils se déplacent. Parce qu'effectivement, comme le dit Pierre, il n'y a aucune raison pour se priver de savoir comment vit une ville, comment prendre la température, le pouls, etc. Et bon, moi, pour ma part, je n'ai rien, je n'ai aucune intention maligne envers Madame Merkel ou bien Monsieur. Oui, non, moi non plus. Bien Monsieur Macron, mais moi quand je veux pas dire, mais moi quand je roule, je veux dire après le pont des Récollets, que je vois par-dessus la rambarde un flic avec son pétard qui regarde par-dessus et qui surveille, ça a pas tendance à me rassurer, au contraire. Sachant comment c'est tendu en ce moment, c'est pas rassurant. Plus tu en vois, moins tu te sens en sécurité. Exactement. Et je vous dis pas, quand je suis rentré chez moi, après vous avez des gendarmes à tous les ronds-points là aux entrées et sorties du périph, on avait l'impression effectivement qu'on était en état de siège. Eh bien écoutez, on en reparle tout à l'heure. On passe musique de fond, s'il te plaît. C'était pas prévu. Faut se le dire, présenté par Alexandre Cavassa. On va parler culture un petit peu pour se changer les idées, pour se vider la tête. Dans Jack, qui es-tu ? Vidéo club, duo français qui affole tous les labels. 15 millions de vues sur YouTube qui, en 2019, saura faire plus fort que le groupe d'Adèle Castillon et Mathieu Reynaud. En plus de YouTube et le cinéma, Adèle Castillon s'est lancée dans la musique et a formé en septembre 2018 le groupe Electropop Vidéo Club avec son petit ami Mathieu Reynaud. Après avoir dévoilé Amour Plastique, plus de 10 millions de vues à ce moment-là, et Roi, qui a eu plus de 4 millions de vues au moment où cet article, ils viennent de sortir un troisième titre, Ennui. On écoute un extrait. S'efface les bons moments, mes fautes, ta rage. Et on se rejoint à la sonnerie. Crier l'espoir, ma nostalgie. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. À seulement 17 ans, Adèle Castillon a déjà un CV bien rempli, celle qui s'est fait connaître dès 13 ans sur YouTube, où elle compte plus de 650 000 abonnés, a obtenu son premier rôle au cinéma en 2017 dans « Sous le même toit » de Dominique Farrugia, pardonnez-moi du peu, aux côtés de Louise Bourgoin et Gilles Lelouch, que j'aime énormément. Deux ans plus tard, c'est aux côtés de Laurent Lafitte qu'elle joue dans « L'heure de la sortie ». Quel parcours ! Allô ? On vous a au téléphone ? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment allez-vous ce soir ? Ben, on va très bien. Mathieu, comment tu vas ? Moi, personnellement, je vais très bien. Je crois qu'Adèle aussi va très bien. Oui, on va super bien. Vous allez très bien. Écoutez, du coup, nous allons bien, sachant que vous allez bien. Alors, tout ce que vous touchez semble se transformer en tube. C'est à la fois nostalgique, mais dans le bon sens du terme, un peu électro, rétro, poétique, romantique, un chouïa planant. C'est ma vision, en tout cas. Comment vous définiriez-vous votre musique ? Déjà, c'est gentil, merci de nous définir comme ça. Nous, comment définir notre musique, je sais pas, c'est un peu rétro, électro-pop. Rétro, électro-pop, puis un univers assez mélancolique, je pense, dans nos paroles, on essaie de raconter, en tout cas, surtout dans les prochaines qui vont arriver. D'accord. Je me tourne autour de mes chroniqueurs, pas de questions ? Bon, je continue. Non, alors si, oui. Moi j'ai une question. Pierre-Nicolas. Moi je suis le vieux de... Bonsoir à tous les deux. Moi je suis le vieux de l'équipe, j'ai 65 balais. Et pour avoir l'air intelligent, entre guillemets, je peux peut-être vous demander ce que vous aimez écouter et qui vous a précédé. Voilà. Alors, dans nos influences, on parle beaucoup d'un groupe qui s'appelle Odezen, un groupe bordelais qu'on écoute tout le temps et qui nous inspire beaucoup musicalement et même dans les paroles. Après, on a beaucoup écouté Superbus dans notre enfance. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux ? On s'est rencontrés par un ami au bord de l'Erdre et on a tout de suite commencé à faire de la musique tous les deux, à Nantes. D'accord. Et dans le duo, qui dirige qui ? Wow. C'est une question qui pose problème, ça. C'est qui le chef ? J'ai eu la même pour bon entendeur, vous inquiétez pas. C'est le papa qui dirige. Non, en vrai, on est assez complémentaires, donc... On est deux leaders tous les deux, je pense qu'on a une forte personnalité, donc mais ça va, on se respecte l'un l'autre, donc c'est le principal. La rencontre, comment elle s'est passée avec le public, parce qu'on vous connaît par Adèle, par les vidéos, donc il y a sur YouTube, il y a une communauté, tout ça, et quand on la rencontre, cette communauté-là, en plus sur scène, avec des chansons, comment ça se passe ? Et c'est toujours un moment hyper fort. Et moi, personnellement, c'est le moment que je préfère, c'est faire des musiques en live. Mm-hmm. C'est toujours un petit peu stressant, mais ouais, c'est toujours magique. Le peu de dates qu'on a fait aujourd'hui, là, ce soir, on joue encore à Toulouse. Il se passe vraiment quelque chose. Et non, c'est très fort, Mathieu. Ouais, c'est là où la musique prend vraiment son sens. C'est quand t'es sur scène avec un public qui te regarde et qui t'écoute. Et c'est là où ça prend le plus de sens pour moi aussi. Après, c'est vrai que c'est toujours un moment particulier. La première scène qu'on a faite, c'était assez stressant parce qu'on a un parcours assez atypique. Maintenant, on est une génération où on va d'abord poster notre musique sur Internet et ensuite, la scène vient après. Et il faut adapter les morceaux qu'on a fait nous dans notre chambre tous les deux à quelque chose qu'on va faire, qu'on va jouer devant 600, 700 personnes. Enfin, c'est vrai que c'est tout un processus, donc ça peut faire flipper au début quand t'as rien prévu et au fur et à mesure ça devient un challenge qui est hyper amusant. Et d'accord, Ginger. Oui, moi, bonsoir, je me demandais quel a été votre meilleur souvenir de scène que vous avez vu juste pour l'instant. Ah, le meilleur souvenir, moi je pense à Montreux. Ouais, moi aussi, au Jazz Festival de Montreux. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé à Montreux? C'est une référence, hein. Ouais. C'était la dernière date de notre tournée d'été et en fait c'était la première où il s'est passé vraiment quelque chose avec le public et il y avait énormément de gens qui étaient là pour nous et nous on s'y attendait pas trop et le public était vraiment avec nous, je pense que c'est la première fois qu'on s'est vraiment surpassé. Ouais. Et qu'on est ressorti et on avait vraiment pris un shoot énorme d'adrénaline. Mmh. Et ça a été dur de redescendre de ce moment-là, mais c'était super fort, en fait. Alors, quand vous dites... C'était notre premier appel. Pardon, allez-y. C'était notre premier appel aussi, sur scène. Ouais. Quand vous dites il s'est passé quelque chose avec le public, alors c'est une expression qu'on entend souvent, qui est toujours un petit peu mystérieuse quand on n'est pas soi-même du monde de la musique. Est-ce qu'au fond, ça ne peut pas se résumer autrement? C'est-à-dire que vous rendez les gens heureux et vous vous en rendez compte à ce moment-là? Ça peut se définir comme ça. Je suis partisan de cette réponse. Bravo, monsieur. Appelez-moi Pierrot. c'est vrai que c'est ça. On a fait un coaching scénique il n'y a pas longtemps avec une dame qui était super, qui s'appelait Liz. Et elle nous parlait d'offrir le cadeau sur scène. Et en échange, les gens vont nous offrir le cadeau. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on offre. Et en fait, en retour, ils nous offrent aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il se passe quelque chose. C'est que c'est un vrai échange, un partage, et c'est assez bouleversant, en fait, de voir des gens qui s'approprient nos musiques et qui chantent les paroles avec nous, quoi. Et il n'y a pas le risque de devenir addict, d'en avoir besoin tous les jours? Ah, c'est une bonne addiction, moi, je pense. C'est agréable, ça c'est sûr. C'est mieux que le crack. Ouais. Oui, c'est bien mieux. C'est bien mieux. On va s'écouter un petit extrait tout de suite. Ouais. Ouais, Voilà, parce qu'il y a eu un projet en collaboration avec vous, Vidéo Club, et votre reprise de What Are You Afraid Of, pardon pour mon anglais, de XXXTentacion, de son vrai nom, Jascha Dwayne Ricardo Offron, qui est né le 23 janvier 1998 et mort assassiné le 18 juin 2018. C'était un rappeur et auteur-compositeur-interprète américain. La reprise, bon, elle est parfaite. On a entendu un petit extrait, pardon, mais je m'en suis bien régalé cet après-midi. Comment vous est venue cette idée de cette reprise précisément, en plus de vos titres qu'on connaît déjà? Eh ben, en fait, c'est assez anecdotique. On a un très très bon ami à nous qui s'appelle Norman, qui était extrêmement fan de cet artiste, XXXTentacion, et il nous a fait découvrir cette musique. On passait des soirées, des nuits blanches avec lui, puis il nous a fait écouter. Je crois que c'était, on était dans la rue, il était 3h du matin, et puis il s'est effondré en larmes. Enfin, c'était un moment très fort pour nous. Et donc, elle nous a beaucoup marqué, cette musique. À la base, on a voulu la reprendre pour lui. On voulait lui offrir, en quelque sorte. Et ça l'avait beaucoup touché. Et puis, au final, on s'est rendu compte que on l'aimait vraiment beaucoup, cette reprise. Et on avait envie de la partager avec tout le monde. C'est une très très bonne reprise. Oui, Ginger ? Moi, je connais pas trop, du coup. Donc, je me permets de vous demander. Vous faites plutôt des reprises, beaucoup de compos ? Plus de compos que de reprises, mais c'est toujours intéressant dans un set ou même artistiquement de reprendre des chansons qui nous appartiennent pas forcément. Et du coup, pardon. Et est-ce que vous avez des sujets de prédilection du coup dans vos chansons, dans votre écriture? Et les premières musiques qu'on a publiées, ça parlait beaucoup d'amour. C'est vrai que nous deux, on est en couple et donc. Notre couple et notre groupe de musique est étroitement lié. Après, on est des adolescents, donc je pense que nos thèmes de prédilection, ils sont assez communs, mais en même temps, on parle beaucoup de l'amitié, l'adolescence, de l'ennui, la de... Voilà. La vie. La vie, voilà. Et qu'est-ce que vous seriez devenu si vous n'aviez pas été musicien? Mathieu, qu'est-ce que tu serais de... alors, tu sais, je serais en cours. Là, non, je viendrai de sortir des cours. Enfin, je sais pas quel jour on est. Jeudi, je sais même plus non plus. Faut pas s'inquiéter. je sortirai des cours là. D'accord. Et le nom de Vidéo Club, parce qu'évidemment, on doit vous le demander à chaque fois. Alors, allons-y, ce sera fait. On trouvait que c'était très pop et que ça représentait bien notre amour pour le cinéma. Je sais pas, c'est un joli nom. Adèle, t'en penses quoi? Ouais, moi j'aime bien parce qu'il y a le rapport au cinéma. Donc vous savez qu'on est très, enfin, on aime beaucoup le cinéma, mais en plus le cinéma ancien. Donc le rétro, l'esthétique des années 80, le grain, les couleurs pastel. Ça me faisait penser à... Et puis c'était des endroits formidables, les vidéoclubs. Il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le câble, il n'y avait pas tout ça. On se prenait son vélo, on allait louer sa cassette, on revenait tout heureux, on la mettait dans le magnétoscope et on passait la meilleure des soirées, oui, bien sûr. Oui. Clément ? Moi, quand j'entends Clément, donc homme d'âge moyen, voilà. On a... Il y a le vieux, le moyen et la jeune ici. Voilà, les jeunes, surtout beaucoup de jeunes. Moi, quand j'entends ce que vous faites, je ne pense pas forcément du cinéma, je pense plutôt à du collage. Si on veut faire le parallèle avec l'univers visuel, est-ce que c'est plutôt. C'est pas un peu ça de vos compositions, c'est-à-dire des patchworks ou des collages de plusieurs motifs ou plusieurs harmonies différentes pour bâtir en fait votre répertoire? Comme comparaison. Mathieu, moi j'observe beaucoup Mathieu composer parce qu'il faut savoir que c'est Mathieu qui compose en général la base de la musique. Et c'est vrai qu'il a une manière, enfin, je le regarde souvent faire, et il a une manière de composer assez particulière et il aime les associations bizarres et en même temps c'est ce qui fait le charme de certaines musiques. Et donc je suis d'accord, vous parlez de collage, c'est assez vrai. Surtout que comme il fait un peu tout, il découpe, il colle, enfin c'est vrai. Ça peut partir vraiment de n'importe quoi, le sample d'un film, une réplique ou un son qui vous a semblé attrayant pour la suite, hein, ou je sais pas. Allô, pardon, j'ai, on a pas entendu. Il y a eu un petit moment de blackout. Non, mais c'était une mauvaise question. Toute c'était une mauvaise question. C'est pas grave. Non, je disais, est-ce que... j'avais pas entendu. Non, je disais, est-ce que souvent le point de départ d'un morceau, puisqu'on parle de collage, c'est justement le sample d'un film, ou alors une réplique qui vous semble bien sentie, ou alors voilà, une ambiance ou un son, enfin n'importe quoi, enfin du sampling tout bêtement quoi. Une ambiance, oui, ça peut être. Ouais, ça peut partir de plein de trucs. Ça, ouais, ça part de plein de choses. Ça peut partir d'un souvenir. C'est vrai qu'avec Mathieu, on se penche souvent dans nos souvenirs, et c'est pour ça qu'on dit souvent que nos musiques sont assez mélancoliques, c'est qu'on on compose et on écrit souvent. Dans le regret du temps passé, mais on peut partir de n'importe quoi. Mathieu va partir parfois d'une ligne de basse qu'il va trouver sympa, rarement de phrases ou de répliques. Mmh. Et c'est quoi la suite là pour vous? Voilà, il y a déjà. Bon, ce soir il y a concert. C'est où d'ailleurs le concert? C'est... Oui, il est où là le concert? Vous êtes où? Où êtes-vous? On va jouer au Bikini à Toulouse. Ah bah c'est voilà, vous êtes, c'est très, très bien. Vous êtes à côté. Vous êtes à côté. C'est parfait le Bikini. Et après le Bikini, ça sera quoi au niveau de ce que vous allez faire par la suite, puisque voilà, vous cartonnez, c'est, en même temps c'est génial, on s'écoutera juste après Ennui, mais voilà, pour vous c'est quoi la suite de tout ça? Pour moi, j'aimerais bien, en tout cas dans mes espérances, la suite c'est continuer à faire en sorte que ça marche, continuer à faire des morceaux, un album, j'aimerais beaucoup, mm-hmm. et continuer à faire des concerts et faire une tournée de l'album, enfin. Okay. Et ouais, là on va tourner notre prochain clip qui sortira a priori dans un mois et demi, mi-novembre. Mmh. Et puis on est en train de construire avec nos petites mains et nos petites oreilles l'album, ce qui sera normalement un album cool. Et voilà, et continuer à tourner parce que c'est ça vraiment qui nous plaît. Eh ben, c'est génial, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris de votre temps juste avant le concert. Adèle et Mathieu, Vidéo Club. Adèle et Mathieu, Vidéo Club. On va se laisser en écoutant Ennui. On vous embrasse fort et bon courage pour la suite, mais je pense que tout va aller. Amusez-vous. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. On écoute Ennui. Ennui, c'était Vidéo Club. Ils étaient avec nous juste avant leur entrée sur scène au Bikini. C'est génial. Ouais, je garde tout. Il y a de l'innocence, il y a de l'amour en eux, il y a de la douceur. Ils sont vraiment très, très c'est bien. Vrai, j'ai adoré. C'est au Bikini ce soir. Vraiment. C'est au Bikini ce soir, allez-y, parce que même ceux qui ont plus, je m'en rends compte, il y a toujours des places, on peut s'incruster. Allez-y, parce que c'est génial. Moi, j'adore cette. Ça fait un peu vieux qui parle, cette nouvelle génération. Ah, par rapport à eux, t'es déjà. Bah oui, je suis déjà vieux. Tu vois, qui se lancent comme ça sur YouTube, que ça marche, ils sont repérés. Par Farrugia en plus, elle a été repérée. Voilà, c'est génial, quoi, c'est vraiment. Et puis derrière, ils lancent la musique. Paf, ça marche et ça fait du bien. Ça me fait penser à nos petits qu'on a ici, à Naël, à Martin. Martin, qui est ce soir, du coup, parce que je meuble un peu. Martin, qui est ce soir, il est où? Je l'ai envoyé parce que j'ai eu Polydor au téléphone, figurez-vous, il y a peu. D'ailleurs, il se peut qu'on travaille un petit peu plus avec eux. Et il y a le papa de Big Flo et Oli, Fabien Ordonez, qui sort son album. Et c'est Big Flo et Oli, et l'histoire est belle parce que c'est eux qui le produisent, cet album-là. Et je trouve ça génial parce que leur papa, c'est un intermittent du spectacle depuis toujours et il y a eu beaucoup de galères avec les parents. Et finalement, ça, voilà. C'est un peu comme mon fils, ma vie de resto. Ouais, c'est ça. Ma vie de resto, des fois, c'est ça. Ça me fait à peu près cet effet-là. Qu'on avait reçu ici, que c'était super sympa. Oui, tu peux le dire maintenant. maintenant que je sais. Ouais. Voilà, et donc on aura sûrement, il y a Big Flo et Oli qui sont sur place. Et voilà, donc Martin va bien manger, parce que je crois qu'il y a un petit dîner juste après avec tout le monde, bon, et il nous ramènera sûrement du son et des vidéos. Jeune producteur, 14 ans quand même. Hein. 14 ans, c'est grâce à lui voilà, qu'on a les caméras, c'est grâce à Anaël qu'on a aussi ce logiciel, vous pouvez nous voir en live sur Facebook, et c'est grâce à Cédric maintenant qu'on peut parler politique avec Antoine Maurice qui est avec nous ce soir, donc je rappelle Antoine Maurice d'Europe Écologie Les Verts à la mairie de Toulouse, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir de la part de tout le monde. Bonsoir de la part de tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Antoine Maurice qu'on avait déjà reçu dans l'émission en invité fil rouge, c'était la saison dernière, et ce soir c'est les trois questions à Antoine Maurice. Alors, il y a 100 000 arbres à Toulouse qui vont être plantés. Moi, je me suis posé la question. Il y a un côté où je me dis, c'est bien, c'est chouette, parce qu'il va y avoir plein d'oiseaux, une biodiversité, ça fait effet clim. C'est bien pour eux, c'est bien les arbres. Oui. On s'en était rendu compte du temps où il y en avait d'ailleurs des arbres. Et voilà. Avant. Et avant qu'on les coupe. Avant qu'on les coupe. Pour les remettre maintenant. C'est ça. On en met même des faux arbres, on fait des plantations dessus. Bref, je voulais savoir ce qu'un élu d'Europe Écologie Les Verts en pensait. Je pense que Toulouse a besoin d'une végétalisation massive, en effet, pour faire face notamment au dérèglement climatique, à la pollution. Mais plus que des plantations, je crois que le candidat maire sème d'abord des promesses, puisqu'il annonce aujourd'hui 100 000 arbres d'ici 2030, ce qui est une volonté louable. Mais quand on examine factuellement ce qui a été fait, puisqu'il a eu notamment 6 ans, sans parler de tous les mandats précédents pour agir, on peut nourrir quelques doutes, et notamment parce que des faits concrets, c'est que le budget annuel moyen d'achat d'arbres par la municipalité a été quasiment divisé par 3 dans ce mandat par rapport au précédent. Les actes démontrent moins les promesses pour demain, encore une fois. Au niveau des transports, une troisième ligne de métro, un téléphérique, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis favorable à tous les projets qui permettent de développer des transports en commun, des alternatives à la voiture individuelle. La question, c'est que la troisième ligne du métro, c'était une promesse de Jean-Luc Moudenc en 2014. Ça va être encore une promesse de Jean-Luc Moudenc en 2020. La question, c'est l'urgence. C'est l'urgence de solutions pour aujourd'hui afin de résoudre la question des bouchons et là aussi de la santé publique. Et le problème, c'est que le projet global de transport en commun de Jean-Luc Moudenc se limite quasiment qu'à cette troisième ligne de métro, car tous les financements mobilisés le sont pour cette troisième ligne. Et l'enjeu, c'est d'avoir des solutions concrètes pour demain, de réduire les gaz à effet de serre. Et le projet global de transport en commun aujourd'hui de Jean-Luc Moudenc, c'est plus 9% de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire d'ici 2030. Donc ça ne résout pas la saturation routière de notre agglomération et ça ne donne pas à elle seule des solutions pour aujourd'hui. Jean-Loup, la gratuité des transports, vous en pensez quoi, Antoine Maurice ? Les écologistes, on défend depuis longtemps la tarification solidaire. Pourquoi ? La question de l'accessibilité au transport est majeure, hein, c'est un bien commun important. Mais pour avoir accès au transport en commun, il faut en avoir. Et le problème de Toulouse, c'est qu'on a un retard considérable justement dans le maillage de transport en commun à l'échelle de notre agglomération. Donc il faut d'abord investir massivement pour développer ces transports en commun. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire en sorte que la tarification soit accessible. C'est pour ça que nous défendons, nous, prioritairement aujourd'hui, la tarification solidaire, qui peut comprendre des éléments de gratuité, évidemment, pour certaines populations en fonction de l'âge, en fonction des revenus, bien sûr. Mais finalement, la gratuité, ça peut s'imaginer quand on aura d'abord un maillage suffisant qui permettront d'avoir la possibilité d'avoir une gratuité totale. D'accord. Et troisième question, la dernière, c'était les transports. Pour vous, la suite, Antoine Maurice, comment vous l'imaginez ? La suite des transports ? Non, de vous personnellement, de l'homme politique. Moi, comme vous le savez, je suis engagé avec Europe Écologie Les Verts au sein de l'archipel citoyen pour porter un projet écologiste. Donc la suite pour moi, c'est de faire en sorte en tout cas qu'on propose un autre avenir aux Toulousaines et aux Toulousains, un autre chemin. Jean-Luc Moudenc nous propose celui de l'asphyxie à tous les niveaux. L'asphyxie aujourd'hui par les bouchons justement et l'augmentation de la pollution de l'air, l'asphyxie des services publics, l'asphyxie aussi parfois financière parce que il a laissé par des priorités d'investissement non utile aller des dépenses de la métropole, un chemin autre, et ce chemin, je pense, c'est celui de l'écologie et de la démocratie, et c'est ça que nous préparons dans les prochaines semaines. Très bien, eh bien merci beaucoup, c'était les trois questions à notre invité politique, et notre invité politique, c'était Antoine Maurice d'Europe Écologie Les Verts à la mairie de Toulouse. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir. Jingle. Jingle. Bon, c'est pas grave, on passe à la suite. J'ai vu Anaël qui est arrivé. Nicolas vous manque ? Retrouvez-le en live sur Facebook. Tiens, Nicolas mal, vous manque. Mais c'est un gag. On va s'écouter une musique avec Cheval Rex que j'ai découvert pas plus tard qu'hier soir. Maison Témoin, le titre. Et on se retrouvera tout de suite après avec. Ça sera avec toi, Clément. Eh oui, ça sera avec toi. Il faut se le dire, on est ensemble jusqu'à 20h. On s'écoute Maison Témoin, Chevaleresse sur Radio Occitanie. Alexandre est quelqu'un de classe. Un brushing parfait et une cravate bien ajustée. Et puis vous avez de la chance, c'est lui qui anime cette émission. Faut se le dire, 18h, 20h. Merci beaucoup Anaëlle, qui est à la réalisation. Il y a de la chance, faut le dire vite. Hein, mais... Il y a de la chance. Une chronique poujadiste aujourd'hui. Clément. Exactement. Clément. Tout à fait. Je cherchais ton prénom. On va se marrer un peu alors. Allez. Il y en a marre des gauchias dans cette émission. Il y en a ras le bol. Les socialopes. Comme tu vas. Mais comme vous allez entendre l'accroche, ce ne sera pas. Enfin bon, bref. Moi, je voulais vous poser une question. Et si on rejouait un peu collectif? Parce que je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez, mais il y a un sentiment un peu général de morosité pouvant aller jusqu'à l'anxiété. Concernant l'avancée de notre République, certains prétendent qu'elle va se fracasser les dents sur un rempart d'égoïsme. D'autres estiment au contraire qu'elle va s'envoler, portée par les souffles divins de la liberté retrouvée. Où se trouve le curseur? Ben, quelque part entre les deux, comme d'habitude. Lorsque l'on interrogea il y a plusieurs années sur le train... Il y a plusieurs années, sur le train de vie des parlementaires et leur système de retraite, M. Dominique Bussereau, alors secrétaire d'État au transport, répondit avec emphase que la République n'a pas de prix. Eh oui, la République n'a pas de prix. Mais d'un coup. Justement. Il a tout à fait raison, la République n'a pas de prix, la démocratie n'a pas de prix, la justice n'a pas de prix, mais on ne peut pas en dire autant de l'État, justement. Le bureau de l'Assemblée nationale qui a acté que la dotation d'hébergement des députés passerait donc de 900 à 1200 euros au 1er novembre, soit une hausse de 33% qui tient compte du niveau élevé des loyers parisiens, d'après les questeurs de l'Assemblée dans un rapport. Oui, soyons précis, c'est l'argent, 900 euros qu'on leur donnait pour qu'ils puissent louer un pied-à-terre à Paris, puisque en plus ils ont une chambre à l'Assemblée nationale, me semble-t-il, ouais. Enfin peu importe. Oui. Cette dotation passe à 1200 euros. À 1200 euros, soi-disant, donc pour, en tout cas pour tenir compte du niveau élevé des loyers parisiens, c'est ce que dit... Oui, tous les Parisiens le savent. Voilà, tous les Parisiens le savent, c'est ce que dit LCI donc dans un reportage. Bon, évidemment, même si en soi les députés sont moins nombreux que les citoyens, qu'une telle hausse serait moins significative qu'une hausse des allocations logement, d'après ce qu'a indiqué la chaîne d'info en continu LCI, cette dotation passe au même niveau que celui en cours au Sénat, et elle concernera 104 députés. En effet, il y a 242 députés qui ont l'habitude de dormir dans leur bureau, donc je suppose qu'ils ont de quoi dormir dedans. C'est loin d'être inhabitable. Voilà. Je peux le confirmer. Quand 51 autres disposent d'une chambre dans une résidence. Voilà. Toujours selon LCI, d'autres députés pouvaient encore utiliser leur allocation de frais de mandat AFM pour se payer une chambre ou un pied-à-terre. Et sur les 104 députés utilisant cette dotation versée sur présentation de justificatif et destinée à se louer un pied-à-terre, seuls 7 présentaient un loyer inférieur à la dotation de 900 euros. En gros, tu es en train de nous dire que rien ne pressait. Voilà. Mais bon, quand le lieu de travail d'un citoyen lambda est dans un quartier au prix trop élevé, en général, je ne sais pas ce que vous en pensez, enfin moi j'ai fait comme ça, il se débrouille et part vivre en banlieue ou bien dans des communes aux loyers ou taxes foncières un peu plus abordables. Voilà, c'est ce que j'ai personnellement. Il se tape 50 km de transport en commun le matin et 50 km. D'ailleurs, on parle en heures plutôt qu'en kilomètres à Paris. Effectivement, une heure, les transports parisiens et leur poésie. Voilà. En tout cas, ce qui est effrayant, c'est de ne pas pouvoir signaler cette anomalie sans se faire traiter parfois de poujadiste, alors qu'en temps de crise, il est quand même préférable que tout le monde fasse un peu un effort, surtout dans un régime d'État-providence où chaque sou compte pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Les parlementaires ont-ils besoin d'être considérés comme des citoyens à part, choyés comme des nobles disposant de titres de l'administration royale? Ben, pour ma part, pas du tout, je pense pas du tout. Ils ont surtout besoin de traitements dignes des responsabilités qu'ils acceptent, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il leur faille acter le retour de privilèges d'État. Comme nous en parlerons au cours de l'émission, les protestations citoyennes se font de plus en plus revendicatives et les slogans de plus en plus radicaux. La police, de son côté, fait un usage quasi systématique de la violence à l'encontre des manifestants. Il valide ni plus ni moins ce que disait l'anthropologue Pierre Clastre dans son ouvrage de référence « La société contre l'État ». L'on ne peut pas penser le pouvoir sans son prédicat. La violence. À croire que je fais partie de la génération qui aura connu les dernières manifestations dites « bon enfant » où l'on peut dire ce que l'on pense sans attendre de perdre un œil. Sachant que ce gouvernement fait parler la poudre et joue avec les allumettes, les thèses sulfureuses de façon plutôt dangereuse, est-il opportun pour des parlementaires de s'augmenter certains avantages? S'ils souhaitent que le fossé ne se creuse pas plus avec leurs concitoyens et qu'ils ne se fassent pas pourrir tout le week-end lors de leur retour en circonscription, ils seraient plus heureux de se rendre compte de certaines choses. Vous savez, on en est à un tel point de déconnexion que l'armée du salut a carrément proposé aux élus vivant à la capitale de suivre des stages de pauvreté, mais oui, pour que ces derniers pour que ces derniers se rendent bien compte de ce que vivre dans la précarité veut dire. Et comme l'indiquait à la presse Brigitte Beuriot, déléguée nationale de l'Armée du Salut, ils pensent pour nous, mais pas avec nous. On ne pouvait pas mieux résumer la situation. Pour ma part, je n'ai pas de conseils à donner ni de programme à établir. Hein. Je crois qu'il y en a qui, dont c'est le métier, on va les entendre là toute l'année prochaine. Ah, on va se régaler. Ce que l'on peut retenir simplement après ce raisonnement de Mirliton, c'est « Chassez donc les pauvres de vos quartiers, ils reviendront au galop jusque sous vos fenêtres. » Austérité, austé, austérité, austé, austérité, pour toi, oui, mais pas pour moi. Austé, austérité, austé, austérité, austé, austérité, pour toi, oui, mais pas pour moi. Voilà. Austérité, austérité, là, c'est le, un détournement du célèbre morceau de Stromae. Papa Outé. Papa Outé, exactement. C'est un morceau qui a été donc fait, réalisé en 2014, lors au moment d'une rétrospective à la télévision canadienne. Et donc, voilà, je pense que ça se prête malheureusement aussi à notre époque et à notre pays. 18h-20h, c'est Faut se le dire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Eh bien, merci beaucoup Clément, et un papier à retrouver un petit peu plus tard, dans le week-end ou lundi, sur Facebook en replay et en replay vidéo. Et voilà. Vous avez les... Tu as, pardon, pourquoi je vous vois? Moi, c'était au début, ça, voilà, ça m'y perd. Hein. Félicitations de ma maman. Ah, ben, je la remercie très chaleureusement. On est ensemble jusqu'à 20h. On va s'écouter une petite musique, une petite reprise, La Madrague par Angèle, cette fois-ci extrait de Des souvenirs d'été. À la radio, tout le monde dit que c'est déjà l'hiver, qu'on va ouvrir les cadeaux, qu'il va y avoir plein de bonnes surprises au pied du sapin. Et ben, en attendant la bonne surprise, elle est là. 18h-20h, c'est Faut se le dire. Et c'est Faut se le dire, on est ensemble jusqu'à 20h. Voilà, on s'est un petit peu écouté de la musique. Radio Lexomil. C'était Angèle qui reprenait La Madrague, et c'est extrait de l'album Souvenir d'été. C'est sur Deezer. C'est voilà, de qui La Madrague déjà? Brigitte Bardot. Voilà, merci. Voilà. Et on n'a jamais été aussi près de Noël. Hein, oui, ouais, on n'a jamais été. Deux mois d'avance. Ah, oui, oui, un petit peu, oui, oui. Mais bon, c'est qu'il est pressé, il va y avoir les cadeaux au pied du sapin. Les cadeaux. Il va y avoir, il a insisté pour qu'on le passe, donc il ne faut pas le contrôler. Ah, sinon, il nous pète la tronche. Ceci dit, il faut noter que Brigitte Bardot, elle avait plus d'intérêt en vidéo qu'en son. Mais bon. Oh, mais non, elle était très bien, Brigitte Bardot. On va revenir sur... Le papier pas mort, hein, on va bon. Sur le papier Clément. Ouais. Oui. Non, parce que on peut débattre, c'est-à-dire que déjà on peut avoir deux réactions. La première, blasée entre guillemets, dire oh, de toute façon ils font ce qu'ils veulent. C'est voilà quoi, pourquoi débattre. Et puis la seconde, se mettre en colère, se dire bah voilà, il y a pas de souci, on diminue les APL, les aides au logement en France, et eux ils se votent 25, parce que c'est ça quand même, c'est un quart d'augmentation, mais d'un coup. De leur propre APL entre guillemets, c'est quand même très comparable, même si ça ne tient pas la route sur le point de vue de la loi ou de l'organisation de la République. Ils s'auto-augmentent, voilà quoi. Moralement et du point de vue de l'exemple, c'est épouvantable. Voilà. Mais chaque quinquennat, chaque mandat, voilà, on voit ça, on voit apparaître en fait, on se rend compte qu'il y a encore des privilèges au sommet de l'État. Je pense notamment, je l'évoquais dans mon papier, je pense notamment au système de retraite des parlementaires qui est plus qu'avantageux. Celui-là, oui. Voilà. Nous, pendant ce temps-là, je veux dire, on devra travailler plus longtemps, de plus en plus longtemps, histoire d'avoir ne serait-ce que le niveau minimal, tandis que nos chers parlementaires, eux, n'ont pas grand-chose à faire et peuvent même bénéficier d'indemnités en cas de perte justement de leur des compensations. On les mérite bien, ces petites compensations. Voilà. Ça. Après, je pense que la vie parisienne est très très difficile. Hein. C'est pas facile. Non, mais c'est pas cher. Pire au monde quand t'as de l'argent. Voilà. Oui. Tu as de l'argent. C'est pour ça qu'ils peuvent aussi décentraliser, faire un petit peu d'autres choses qu'à Paris. Je pense notamment à Monsieur Guénaud qui s'était plaint de ne pas disposer d'indemnités suffisantes pour pouvoir vivre sur Paris et faire ce qu'il avait à faire. Oui. Mais bon, effectivement, décentraliser, déconcentrer un petit peu et sortir un peu de. Ça dépolluerait un petit peu les villes. Ça dépolluerait. Non, mais on a les solutions. Hein. Oui, quand le chef vient à Toulouse, on a vu ce que ça faisait. Oui, c'est vrai. Oui. Si en plus, c'est pour retrouver la même si ambiance tout le temps. Mais non, mais déconcentrer un peu. Restez à Paris, vous y êtes bien. Tous les mettre au fin fond de l'Ariège. Oui, tous. Voilà. Non, non, c'est vrai que Madine, c'est vrai que t'as rien joué. La rivière. Non, là, je suis désolé, l'Ariégeois de l'étape, il est contre. Quoi. Ne faites pas ça, ne faites pas ça à l'Ariège. Oui. Laissez-la bon, allez, ça, là on où va elle déraper. Est. Arrête, alors, on laissez-la où elle est. On est sinon, ensemble. Il y a la place aussi. Bon, oui. Jusqu'à 20h, sans transition. Cette fois-ci, sans transition. On a rencontré, je vous l'ai dit en tout début d'émission, parce que c'était un événement quand même, et on va en passer juste un extrait de 4-5 minutes, tout condensé avec la musique. On a rencontré avec Martin la semaine dernière, Bon Entendeur. Voilà, les Aixois qu'on écoute tout de suite. Ce soir. Le temps est bon. J'ai fini le PQ. Faut se le dire, reçoit. Le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Bon entendeur. Comme on s'est dit que le temps était beau et que le ciel était bleu, on est venu jusque chez vous, au bikini, dans votre loge, pour vous interviewer, Bon Entendeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, cette tournée, comment ça va après cet album qui est sorti, Aller Retour ? Comment vous le vivez ? Bah, ça se passe très bien. On a perdu chacun une année d'espérance de vie à peu près depuis la sortie de l'album. Non, mais sans rire, on a fait beaucoup de belles dates et c'était vraiment, vraiment super. On a visité un peu la France, beaucoup la France, pas mal l'étranger aussi. On est allé au Canada, on va en Angleterre, on va en Suisse. On était aux États-Unis aussi, on a fait des dates à New York, donc ouais, c'était vraiment super, c'était hyper intense. On a rencontré plein de gens cool, on a voilà, donc non, c'était vraiment. Et puis c'est pas fini en plus, donc, pourvu que ça dure. Et alors, c'est comment un concert de Bon Entendeur ? On parlera après de Bon Entendeur, ce que c'est, mais comment ça se passe en concert ? Parce qu'on a. On l'a en musique, mais en visuel. Non, mais en fait, ouais, c'est ce petit jeu, il voulait pas. Ok. Bah non, mais un concert de Bon Entendeur, comment ça se passe ? En fait, on essaie de. Parce que la difficulté qu'on a, c'est que d'un côté, il y a des gens qui nous connaissent pour nos mixtapes. Et en parallèle, il y a aussi des gens qui nous connaissent juste pour l'album ou juste avec Le Temps est Bon. Et voilà, et c'est difficile de plaire à tout le monde. Donc on essaie de trouver un format un peu hybride entre faire danser les gens qui nous connaissent pour les mixtapes et qui savent qu'on met parfois des morceaux. Très dansant et avec un tempo assez élevé, très électronique, et en même temps pas décevoir les gens qui nous connaissent simplement avec Le Temps est Bon. Et du coup voilà, faut trouver un équilibre entre ça. Du coup on pense l'avoir à peu près trouvé avec ce qu'on va présenter ce soir au bikini. On appelle ça le Bon Entendeur Show. Donc on a toute une scénographie derrière nous avec des écrans qui diffusent des contenus vidéo d'archives d'un partenariat qu'on a avec l'INA. Et voilà, donc c'est très visuel et en même temps il y a aussi énormément de morceaux de l'album, des morceaux qu'on n'a pas encore sortis et des musiques qu'on adore qui sont pas de nous mais qu'on a envie de jouer parce que c'est notre bon plaisir. Mesdames, messieurs, bonsoir, c'est Patrick Poivre d'Arfort, vous écoutez Bon Entendeur. Fait quoi dans Bon Entendeur ? Est-ce que c'est toi qui décide de tout ? Est-ce que c'est... C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a... Bah déjà, on se tempère, et ça c'est assez important pour que le projet continue, c'est-à-dire qu'il y a... Alors il y a le troisième de Bon Entendeur, Nicolas, qui n'est pas là, parce qu'il avait un petit imprévu, mais déjà, on a des tempéraments bien, bien trempés, et tous les trois, en fait, on s'est bien trouvés, c'est pas évident, avec des caractères comme les nôtres, d'arriver à ne pas s'entretuer, mais en fait ça marche bien, ça marche très bien, on est assez complémentaires là-dessus. Et après, concernant le projet, de manière plus pragmatique, plus précise, en fait il n'y a pas vraiment de domaine particulier, c'est-à-dire qu'on est tous les trois à gérer le projet, tous les trois à avoir des idées, à répondre sur les réseaux sociaux, à aller chercher des sons pour les mixtapes ou à aller chercher des sons pour en faire des remixes. En studio ça varie, chacun a ses préférences et voilà, c'est difficile de dire alors lui fait ci, lui fait ça, parce qu'en fait il n'y a pas une personne qui s'occupe d'un seul sujet, donc on est tous les trois assez collégiales là-dessus. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas. Pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et et toi tu parlais de ton pays. Voilà, c'était un court extrait de l'interview de Bon Entendeur. L'interview entière fait à peu près 12 minutes entre musique, anecdotes, comment le groupe est né, comment il va continuer. Voilà, j'ai passé un excellent moment, Martin aussi, le public, c'était génial. Et le concert commence sur cette musique-là, oui Pierre ? C'est que quand on découvre la musique, on ne sait pas le nom du groupe, on se dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Alors évidemment, il y a les chansons, on a reconnu la chanson de Nino Ferrer, qui à l'époque n'avait absolument pas marché. C'était sur un album, c'était sorti, ça n'avait pas... On adorait le Nino Ferrer rigolo à l'époque, oh et un bon Mirza et tout. Et ces chansons-là sont passées totalement inaperçues, ce qui lui a brisé le cœur. Je suis sûr que sa dépression, la dépression qu'il a prise après coup, tenait beaucoup au fait que l'artiste qu'il était n'a pas été reconnu. Mais sinon, oui, lorsqu'on les entend, c'est de la bonne... C'est trois, là, d'ailleurs. Ils sont trois. Là, ils étaient deux, parce que troisième a eu un empêchement, mais sinon, ils sont trois. On se dit, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et c'est très, très fort, y compris sur des compositions qui leur sont plus personnelles. Ginger ? Et du coup, c'est un groupe qui fait des reprises, c'est ça ? Ils font des... Ouais, des reprises, où ils mixent par-dessus, et ils font aussi beaucoup de créations, maintenant. Au tout début, non, c'est vrai qu'ils font des interviews aussi. C'est-à-dire il y a eu Patrick Poivre d'Arvor, il y a eu Nathalie Baye, il y a eu plein de gens. Il y a eu Bec Bédé qui raconte un petit peu comment c'était avant, ce qu'il faisait comme connerie avant, ce qu'il fait plus aujourd'hui, parce que il a vieilli, il peut plus le faire. Ou il est désespéré de se dire, quand je pense qu'aujourd'hui, je m'attache à l'arrière de mon taxi, quoi. c'est vraiment... Et tout ça, c'est nostalgique. Comme ils le disent, moi je leur ai dit, la première question c'était, est-ce que vous êtes nostalgique? Ils disent oui et non, c'est-à-dire que c'est de la nostalgie mais positive. Ils ont dit, il y a des trucs qui étaient bien avant comme il y a des trucs qui sont bien aujourd'hui, et eux ils ont dit, on fait le mélange des deux tout simplement. On a un de nos invités qui est arrivé, on va le retrouver tout à l'heure. Avant ça, un petit jingle. Alexandre est quelqu'un de classe, un brushing parfait et une cravate bien ajustée. Et puis vous avez de la chance, c'est lui qui anime cette émission. Faut se le dire, 18h, 20h. Allez, avant de retrouver notre invité, il est 19h déjà, je voulais souhaiter un excellent anniversaire à mon papa qui fait 70 ans aujourd'hui. Et je viens ce week-end, on va bien bouffer et on va faire un tiramisu d'anniversaire. Je vais faire. Est-ce que non, c'est gênant. Allez. Non, mais je suis gêné. Il nous écoute. Je suis gêné. Ouais, et puis en plus il est artiste, il est chanteur. Alors on va casser la chanson. C'est à la fin de l'émission. C'est d'accord. Tu... Avant ça, on va passer au vrai, pas vrai de l'info. Avant, c'était le Gorafi, pas Gorafi. J'ai un petit peu modifié. Cette fois, faut deviner si l'info est vraie, si l'info est fausse. Avant ça, je tiens quand même à saluer notre invité qui vient d'arriver, qu'on va retrouver tout à l'heure, Jacques Souris, qui est là, qui est directeur, qui est patron des Américains, la brasserie des Américains à Toulouse, que vous connaissez tous. On la connaît tous. Cette brasserie. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Et on parlera de vous, de la brasserie et de tout ce qui se passe le samedi. On en parlera. Tout ce qui se passe pas le samedi, plutôt d'ailleurs. Tout à l'heure. Mais avant ça, on passe au vrai faux de l'info. Le but est simple, c'est deviner. Vous pouvez jouer d'ailleurs si vous voulez, deviner si c'est vrai ou si il c'est demande faux. Dans quoi il est tombé. Il arrive pile à ce moment-là. Alors. Johnny Hallyday est vivant et habite dans un pub à Glasgow, selon la police écossaise. Oui, avec Dupont de Ligonnès. Avec Dupont de Ligonnès. C'est bien répondu, c'est ça. Et Bob Marley et Kurt Cobain. C'est vrai. Voilà, bon, c'est vraiment faux. Trump déclare la guerre à l'Allemagne. Je cite, ils ne nous ont pas aidés en Normandie. Il aurait pu dire ça, mais bon, il le dira peut-être un jour. J'ai relu l'info deux fois. Ne le sous-estimez pas. Municipal, le Rassemblement National de Forbach fréquente des amis un petit peu imaginaires. Oh oui. Oui, c'est vrai, sur l'affiche de campagne. Eh ben ouais, c'est vrai, le candidat RN Lucien Terragnolo a diffusé un tract sur lequel figure une colistière imaginaire. La proximité au service des Français, le candidat a visiblement eu du mal à appliquer le slogan de son parti pour ses propres tracts. Eh ben, pour que c'était. Il a inséré tout simplement, vous savez, ces banques d'images qu'on a. Oui, avec une jolie fille. Oui, avec une jolie fille, voilà, qui est là. Et, ben, c'est... Mais alors, c'est une la vraie était moche, je comprends pas. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas pourquoi il a fait ça. C'est vrai, il faut pas s'amuser. À ça, surtout à l'ère d'internet, où voilà, c'est d'ailleurs les réseaux sociaux oui, qui ont. C'est pas très malin. Bah, c'est pas malin. Laissez-moi sortir les mots d'un défunt visiblement trop serré au fond de cette boîte. Vrai ou faux? Oui. Absolument vrai. Oui. Eh bien, c'est vrai. On aura un son qu'on va écouter tout à l'heure justement pour voir quel effet ça fait. Le jour de son enterrement, un défunt lance sa dernière blague. C'est plutôt drôle. Un enterrement à Dublin, en Irlande, a viré à la farce. L'homme avait préparé une blague avec son fils aîné. Un an avant sa mort, quand même, le jour de son enterrement, un enregistrement a été diffusé, laissant croire que le défunt revenait d'entre les morts. Je sais plus où j'en suis. Le jour de l'enterrement de son père, ce dernier a diffusé un enregistrement et voilà, et c'est drôle. En gros, c'était en gros le père qui était enfermé. On va l'écouter tout de suite. Extrait tombe. Hello. Hello. Hello. Let me out. Where the fuck am I? Hello. Hello. Let me out, I'm fucking dying in here. Who the fuck am I? Is that that priest I can hear? That fuck. Let me out, hello? Hello? Stop the mask. Stop, I can hear you. Hello? Hello? Voilà, on a pu. Bonjour. Bien, c'est bien, c'est alors, une bonne idée. Alors, je vais traduire. Ah ouais, moi, c'est génial. Bah oui, ça rappelle comme alors, mais il y en a qui y ont cru ou pas parce que. Oh non, non, ça, non, ça non, non, non, voilà, je pense c'était. Pas, quand même. Bonjour, il fait noir ici, laissez-moi sortir. Je vous entends tous, je suis dans la boîte. On peut entendre, entre autres, voilà, les personnes présentes à l'enterrement alors que le cercueil était mis en terre. Des paroles accompagnées de bruit ressemblant à une personne frappant, voilà, comme on vient de l'entendre. Moi, je me mets à la place de ce gars-là qui s'est dit, putain, ils vont entendre ça. Le mec, c'est au moment où il s'est dit, ouais, ça, je vais tout lâcher à ce moment-là, jusqu'au bout. Dans le Doubs, un chasseur dyslexique abat un cendrier. C'est vrai, je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Moi aussi, les chasseurs, ils abattent des cendriers. Des cendriers, voilà. Un chasseur dyslexique qui a abattu un cendrier. Cendrier. Pays-Bas, découverte d'une famille ayant vécu 9 ans recluse dans une cave en attendant la fin des temps. C'est tellement triste que ça doit être vrai. Ah, oui, horrible. C'est vrai. Heureusement, c'est vrai. Et il paraît qu'au début, ils étaient que 3 et qu'après, ils étaient 9. Ouais. Parce qu'elle a eu des enfants, la femme. Ouais. Alors, un homme de 58 ans donc, a été interpellé quand même, Joseph B. Il a été interpellé sur les lieux car il ne voulait pas coopérer avec les enquêteurs, a éclairci la police. Son rôle doit encore être déterminé parce qu'on ne sait pas vraiment si le gars était sincère dans sa démarche ou c'était juste. Voilà, s'il avait kidnappé des gens. Quoi. Il y a une série comme ça, super bien. Ah ouais? Ouais, c'est... où en fait ils vont dans un bunker et il leur fait croire aux nanas que c'est la fin du monde, que c'est l'apocalypse et tout. Alors que pas du tout. Et ils les gardent comme ça des années et des années et elles ressortent complètement perchées. Mais quelle horreur. Elle est super drôle cette série. Et du coup, tu disais ils étaient neuf hein, à la fin. Parce ouais, à la fin, bah, je pense qu'elle a fait des enfants, mais ses enfants n'avaient jamais vu d'autre chose que la maison en fait, du que l'extérieur. Ouais, ils ne connaissaient pas le monde. Je sais pas quel âge ils avaient après, mais ils sont restés combien de temps dedans? Ben là, 9 ans, donc. Oui, donc en fait. Les enfants de 7, 8 ans, enfin, ou même moins. Qui ont grandi et comme ça. On en rigole, mais c'est on une horreur absolue. Ben bon, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Chaque ampouche a l'air libre. Quoi. Ouais. Autre actu, vous avez du mal à payer votre loyer. L'État augmente de 33% votre aide à l'hébergement. Oh ben on en parlait. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai, mais cas des députés. Voilà, on a parlé tout à l'heure avec Clément. Et enfin, dernière info, vrai ou faux, soudainement devenu connu, puis innocenté, Guy Joao va intégrer la prochaine saison de Danse avec les Stars sur TF1. Mais oui, Guy Joao. Alias Dupont, voilà, celui qui n'est pas. Je suis sûr que c'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, je crois qu'il a dit foutez-moi la paix maintenant. Je crois que. Bon, oh, le il va peut-être comprendre qu'en écrivant un livre et tout, c'est plus rentable. J'ai pas. Voilà, c'était le vrai faux de l'info. Jingle. Ah. Tu lances ce que tu veux. Ce soir, la mission que nous vous donnons n'est pas des plus simples. Si toutefois vous l'acceptez, vous devrez animer Fausse le dire de 18h à 20h sur Radio Occitanie. Si toutefois, un membre de votre équipe est pris ou tué, le ministère n'ira avoir eu connaissance de vos activités. Ce message s'autodétruira dans 30 secondes. Voilà. Merci. Mais on n'invente rien, tu sais. À la télé, on utilisait ce genre de bande-annonce et on faisait ce genre de commentaires pour des reportages un peu rigolos qu'on faisait où il n'y avait pas grand-chose à dire. On inventait des trucs comme ça. On faisait déjà ça il y a 25 ans. Et pourtant, nous, on a plein de choses à dire. Et pourtant, il y a plein de choses à dire. Et justement, des choses, on va en dire avec Jacques Souris qui est là ce soir, patron de la brasserie Les Américains, qu'on connaît tous. Moi, depuis que je suis à Toulouse, j'y vais. Voilà, et j'y suis bien. T'es allé vite sur son nom, Jacques. Mais Jacques Souiri Souiris. Ouais, mais en occitan, ça se dit Souiri. Alors, qu'est-ce qui se passe au bar, les Alors, Américains Jean Jaurès. Moi, je l'ai contacté parce que tout simplement, voilà, ça fait plusieurs samedis. J'avais ouvert l'émission au tout début de Fausse le dire, par rapport aux Gilets jaunes, tout ce qui se passait. C'est une émission qui suit l'actualité. Et je suis aussi tous les côtés. Et là, j'ai regardé le côté commerçant, grâce à Jacques, qui témoigne sur Facebook, qui a témoigné en tout cas samedi dernier, par des vidéos en direct, sans commentaire, sans rien, juste qu'il filme ce qu'il se passe, c'est un témoin. Et donc, je voulais l'inviter, on s'est rencontrés hier, pour en parler et avoir son point de vue. Je fais quelques commentaires, ça m'arrive. Oui, il y en a, mais... Il y en a d'assez. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Et c'est vous pas avez le droit, vous êtes chez vous, hein, quand vous parlez du Parlement américain. Non, mais il faut rester calme. En plus, faut rester détendu, il faut avoir un peu de recul sur ce qui se passe. Voilà, et c'est pour ça que je voulais l'inviter, parce qu'avoir ce recul-là, voilà, je trouvais que c'était intéressant pour en parler. Donc racontez-nous un petit peu, vous, ce qui vous arrive tous les samedis. C'est pas bon pour les affaires. Bon, déjà, premièrement, c'est vrai que c'est pas bon pour les affaires. Non, mais je filme parce que c'est une façon de me détendre, de me calmer, de montrer à tout le monde ce qui se passe, ce qu'on vit. Nous, commerçants, Toulousains, mais même les Gilets jaunes, même les policiers. C'est tout le monde. Après, chacun... Regarde son angle. Ah oui, tapotez pas trop sur le pardon. C'est pas votre première radio, je crois. Première radio. Ouais. On est aussi en live sur Facebook. Rassurez-vous, nous aussi. Non, mais vous êtes connu. Oui, connu. Connu, Pierre, c'est votre star de l'émission. Alors, oui. Et c'est vrai que je filme et puis je vais voir plein de commerçants. Parler de ma situation particulière, bon. Je l'ai déjà fait, est-ce que c'est vraiment important? C'est un ensemble de... Bah, c'est un bon exemple quand même. Oui, c'est mon bon exemple, j'ai perdu 25% de chiffre d'affaires sur une année. Pourquoi? Parce que les gens savent que ça va être le bazar en ville. Ouais, savent que c'est plus. Pas bon, c'est pour ça. Donc, ils disent, ah non, c'est pas bon, on vient plus. Oui, c'est pas vous qui fermez en fait, c'est juste les gens qui viennent pas. Ouais. Ben, c'est pas que les gens viennent pas, c'est qu'il n'y a que des gilets jaunes. Mais ils boivent, les gilets jaunes, ils commandent. Oui, mais c'est pas suffisant. D'accord. Sur, on va dire, mon meilleur score sur, depuis les Gilets jaunes, c'est samedi, c'est moins 30%. J'ai eu fait jusqu'à moins 80%. D'accord. Et vous fermez jamais, du coup? Si, on ferme quelques fois, quand ça devient dangereux, comme samedi dernier. Samedi dernier, vous avez fermé. C'était cauchemardesque, en même temps, c'était ubuesque, parce que j'ai vu des scènes complètement... Racontez. Ah oui. Ouais. Non, c'est, j'avais jamais de... Je veux aiguillonner, il ne faudrait pas aiguillonner les gens, et, ni trop regarder. Mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez vu? Je vois des scènes, c'est-à-dire que... qu'est-ce qui s'est passé samedi? Ça a démarré à Jeanne d'Arc. Vous voyez, ça démarre à Jeanne d'Arc. Donc, vous avez les manifestants qui arrivent par la rue Bayard, première sommation, et ils arrivent à peine au milieu de la rue Bayard que ça. Je ne dis pas que les policiers ils ont eu tort ou ils ont raison. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Ça ne fait pas beaucoup, hein, Jeanne d'Arc, rue Bayard. Il n'y a pas beaucoup à marcher. Là, milieu de rue Bayard, ouais. Je dirais à peu près. Donc, ça commence à envoyer du gaz lacrymogène. Donc, ça démarre là. Après, ça se propage un peu partout dans la ville. Et bien sûr, ben ça marche par impulsion, y compris du côté des policiers. Donc, il n'y a plus de jet de projectiles aujourd'hui. C'est que des invectives ou des insultes qui se passent. Je ne sais pas si vous avez regardé. Il n'y a pas de casseurs, c'est ce que vous êtes en train de dire. Enfin, moi, j'ai pas vu de casseurs. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas été maîtrisés. En tout cas, je dis que moi, devant chez moi, je n'ai pas vu. La casse, elle est dans les esprits. La casse, elle est financière. La casse, elle est psychologique, je pense. Quand je vois les gilets jaunes, je vois des gens complètement désespérés. Donc, c'est le désespoir. Ils sont aussi désespérés, je trouve, de leur côté, que nous, les commerçants, nous sommes désespérés. Vous parlez de pertes. Est-ce que vous avez de moins en moins de pertes ou est-ce qu'il y en a de plus en plus? Alors, on en avait de moins en moins de pertes. Je pense que les gens commençaient à revenir. Et du fait que nous, qu'on ait eu ce samedi, c'est-à-dire national, la perte est revenue assez importante. Il y a plus de gilets jaunes? Si, il y a toujours des gilets jaunes. C'est pas parce qu'ils mettent pas le gilet jaune que c'est plus des gilets jaunes. Mais il y a de plus en plus de monde sur les manifs? Enfin, ça non, non, non, non, non, non. Je pense pas qu'il y ait plus de monde sur les manifs par rapport au début. Voilà. Mais si vous me permettez de montrer un autre angle, oui, bah, si j'ai le droit. Ah ben vous avez tous les droits. Qu'est-ce qui s'est passé dès le début, en fait? Qui est responsable? Qui a une responsabilité dans ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les gilets jaunes qui sont responsables ou est-ce que ce sont le gouvernement qui sont responsables? Allez, continuez. Moi, si je prends Nicolas Machiavel et que je lis Le Prince de Machiavel à 123e page et que je lis le paragraphe « Libéralité et parcimonie », il est écrit de façon explicite « que si on prend au plus grand nombre pour donner au plus petit nombre, le peuple n'est pas content et on voûte être de l'ordre. On peut dire qu'il s'est un peu passé ça quand même. Est-ce qu'on n'a pas pris au plus petit et au plus grand nombre, c'est-à-dire 5 euros sur les... Oui, c'est ce qui anime les Gilets jaunes, absolument. D'accord. Le sentiment, est-ce qu'il s'est passé ça? Oui. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, que ce mouvement... c'est eux qui s'appellent les premiers de cordée. Non, et nous, on est les couillons de cordée. Et mais eux, c'est les premiers de cordée. Donc, je pense que c'était prévisible. Ils devaient savoir un peu ce qui allait se passer. Vous voyez? Si vous voulez, j'ai amené ce bouquin, Gustave Lebon. Vous pouvez le montrer, il y a une petite caméra. Voilà. Alors c'est marrant, parce que c'est un jeune homme, élégamment habillé, de belles lunettes, etc. Il vient, il s'occupe d'un bar, et il vient et il pose sur la table du studio le livre de référence, La psychologie des foules. Oui, c'est Gustave Lebon, 1895. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Oh, il y a beaucoup de choses, mais est-ce que je peux lire un passage? Ah bah allez-y, franchement, allez-y. Vous avez l'introduction, c'est-à-dire... comme je vous ai dit, libéralité parcimonie, libéralité pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire extrême largesse. Je lève une lunette, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Et je vais lire sur la foule, parce que c'est des mouvements de foule. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est ça. Ouais. D'accord. Donc d'accord. On y lit, la foule n'est pas seulement impulsive et mobile. Comme le sauvage, elle n'admet pas d'obstacles. Les policiers, castaner. Voilà comment moi je l'interprète. Chacun l'interprétera comme il veut. Entre son désir et la réalisation, n'admet pas d'obstacle entre son désir et la réalisation de ce désir. Et d'autant moins que le nombre lui donne le sentiment d'une puissance irrésistible. Je pense avoir suffisamment observé pour dire que c'est un peu ce qui s'est passé. Pour l'individu en foule, la notion d'impossibilité disparaît. L'homme isolé sent bien qu'il ne pourrait à lui seul incendier un palais, puis un magasin. La tentation de lui en vient donc guère à l'esprit. Faisant partie d'une foule, il prend conscience du pouvoir que lui confère le nombre. Et la première suggestion de meurtre, bon, là, il n'y a pas de meurtre, et de pillage, il cédera immédiatement. L'obstacle inattendu sera brisé avec frénésie. Et la fin, je la trouve super intéressante. Si l'organisme humain permettait la perpétuité de la fureur, on pourrait dire que l'état normal de la foule, contrarié, est la fureur. Et je crois pouvoir dire que c'est ce que j'ai vu. Et je juge ni les Gilets jaunes, parce que j'en connais beaucoup, et que je peux comprendre, me mettre à la place, que quand on touche 800, on est salarié pauvre, qu'on est handicapé, qu'en plus, on n'accélère pas sur, sur les mobilités réduites, ou pas suffisamment, on puisse se retrouver en colère. Donc à la fureur, il y a eu donc des violences. Et suite à ces violences, c'est face donc à des forces de l'ordre, qui eux, leur boulot, c'est de... Le maintien de l'ordre. Alors, je voudrais citer Victor Hugo dans Napoléon le Petit, qui fait une très belle explication, d'ailleurs, sur le coup d'État du 2 décembre 1851, qui explique que, pour établir l'ordre, ça se fait toujours dans la violence et la brutalité. On va pouvoir dire que c'est un peu ce qui s'est passé. Ah oui, non, mais totalement. D'accord. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on n'en est, je dirais, pas à la fin du mouvement des Gilets jaunes. On en est sur une réduction. Ils ont enlevé leurs gilets. Vous ne voyez plus de gilets dans les voitures. Enfin, je ne sais pas si vous avez... Ah bah oui, oui, c'est vrai. Qu'on leur prenne et qu'on les repère comme ça. Voilà. Donc, oui. Et aujourd'hui, je vois du désespoir. Donc d'autres vont dire qu'il ne reste plus que des ponts aériens, qu'il ne resterait que des... je ne peux pas laisser dire ça. Des fois, je l'entends, je ne dis rien, mais je ne peux pas laisser dire ça parce que ce n'est pas la vérité. Parce que moi, les Gilets jaunes, je les ai devant chez moi. Je discute avec eux. Je leur dis souvent que je subis ce qui se passe. On est des victimes ou collatérales. Si je m'énerve pas, c'est parce que je n'ai pas à prendre parti. Tout ça me dit que, surtout mon petit Jacques, ne t'énerve pas. Ce n'est pas de ton niveau, ce n'est pas de ton ressort. Tu n'es pas responsable. Ouais. Voilà. Et il faut que je retrouve le fil de mes idées, excusez-moi. Non, mais c'est très intéressant parce que d'abord, vous n'êtes pas venu prêcher pour votre chapelle. Vous n'êtes pas venu dire « Ah ouais, mon bar, j'y arrive pas, j'y arrive plus », etc. Vous dites « Oui, je perds de l'argent ». Oui, mais bon, mais voilà. Et vous, et alors, autre chose, vous êtes bien le premier patron de bar que je croise qui nous cite en 2 minutes Victor Hugo, Machiavel et Gustave Lebon. Oui, bon, entre autres. Moi, je me demande, vous vous sentez comment, en fait, en un mot? Vous êtes plutôt désespéré? Vous avez plutôt de l'espoir? Alors moi, je ne suis pas du tout désespéré, dans le sens où, comment j'ai organisé ma vie au quotidien. Je suis un chef d'entreprise, peu importe le chemin à partir du moment où il est légal, il faut trouver des solutions. Des solutions, j'en ai trouvé. Ce n'est pas de moi que je m'inquiète, c'est plutôt des autres, ceux qui sont plutôt dans l'impasse et qui n'arrivent pas à trouver des solutions. Et quelles sont vos solutions, vous? Bon, j'avais un petit local qui était qu'on a inexploité pendant des années. J'ai monté un magasin de gaufres qui s'appelle La Belle et Joueuse, qui ne marche pas trop mal. je me suis mis sous la protection du tribunal de commerce. Et ce qui m'a permis de, ben, d'investir dans ce local, ce qui m'a permis un peu de changer mobilier, c'est-à-dire même nous de se remettre en question. De dire, il faut qu'on soit meilleur au quotidien. C'est-à-dire, il faut qu'on soit meilleur le dimanche, il faut qu'on soit meilleur lundi, le mardi, le mercredi. Mmh. Et puis le samedi, on subit, puis c'est, la vie continue. Tout le monde s'en fout de nous. Je ne dis pas que vous vous en foutez de moi, puisque la preuve, puisque vous m'invitez. Ouais. Mais tout le monde s'en fout de nous. Tout le monde s'en fout des gilets jaunes. Maintenant, les gens les méprisent. Ça devient populaire. C'est dommage. Parce qu'en première intention, c'était pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'on est passé à de je veux moins de taxes à je veux tout. Et quand on veut tout, on perd tout. Et voilà. tout d'un coup. Et si je pouvais continuer, juste 30 secondes, allez-y. Je dirais qu'est-ce que finalement j'en retiens de tout ça. Et ça, je dis ça aux gilets jaunes. Si j'avais une entreprise, moi je me remettrais en question, je pense qu'ils devraient se remettre en question. Mais avant, je vais finir sur Gustave Le Bon pour expliquer qu'avait la foule. Qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez des meneurs, donc on appelait ça des leaders, qui se transforment en apôtres. Voilà. Totalitarisme et intolérance. Acceptation en bloc ou rejet en bloc des idées. Et c'est ce que j'ai vu. Je le dis en toute honnêteté et sans amertume envers qui que ce soit. En gros, vous dites attention, ça part vraiment mal. Je l'ai vu. D'accord ? Ensuite, les gilets jaunes. Permettez-moi de vous dire que je vous l'ai toujours dit pour ceux qui sont venus en face de chez moi, pour qui je respecte, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec les manifestations. Je peux être d'accord avec trop de taxes, je peux être d'accord avec beaucoup de choses. Je suis d'accord avec le référendum, le nom d'initiative citoyenne, j'aime pas trop, mais référendum, je suis d'accord avec eux. Vous avez attaqué l'État sur le côté le plus dangereux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'État ? C'est le propriétaire de la violence légitime. Et vous l'avez attaqué sous son axe le plus fort. Alors que, si vous aviez lu le joueur d'échecs de Stefan Zweig, je ne veux pas mettre à la plaie à tout le monde, vous auriez compris une phrase qui s'appelle de la fêlure à la faille. Donc il faut attaquer toujours sur l'angle le plus faible. Voilà. Quel est l'angle le plus faible de l'État ? Je peux donner une piste. C'est les missions régaliennes. C'est là où ils font défaut. Donc déjà, il aurait fallu surmonter, je pense, en association. Utiliser les classes actions. Faire des plaintes en collectif. Et il y aurait beaucoup plus de gens. Le mouvement est devenu... Ce que je dis là, j'ai déjà parlé avec plein de gilets jaunes. Donc je fais en toute décontraction. Ouais. Et puis, de toute façon, je n'ai aucun mal d'eux parce que je pense aucun mal d'eux. Si ce n'est que nous, on en a marre et qu'on est agacé. Hein. Je veux vous dire qu'on en a vraiment marre. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de dire que le mouvement des gilets jaunes est devenu une somme d'individualité plutôt qu'un mouvement collectif ou pas ? Il est devenu une foule, toujours. C'est toujours une foule. D'accord. Donc voilà, c'est toujours une foule, il n'y a pas de stratège. Là. Vous savez qui c'est que... Moi, je la compare souvent, et toujours pareil, sans vouloir vous les offenser. Un livre de Max Gallo, La vie de Spartacus. Vous savez comment on appelait l'armée de Spartacus ? L'armée du désordre. Il ne voulait pas de chef. Donc ça me fait plus penser à ça. C'est pas pour être insultant, c'est parce que j'ai un autre recul, je le vois différemment, je donne mon angle. Oui, voilà, c'est pas la vérité, c'est ma vérité à moi, c'est mon angle à moi. Et je le vois de cette façon. Je dis voilà qu'il y a autre chose à faire que de faire de cette façon. Ginger ? Si j'ai bien compris, du coup, pour vous, peu importe ce qui peut se passer, ce que l'État peut proposer, les Gilets jaunes maintenant vont refuser en bloc. Ce qui va arriver, oui. Ça, c'était à une époque. C'est vrai, j'aurais dû préciser que c'était à une époque parce qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé puisque je ne vois plus en ville les premiers gilets jaunes. Ça ne veut pas dire que ceux-là ne sont pas des gilets jaunes. J'en ai connu énormément qui étaient vraiment très pittoresques. Titi, sur mon téléphone, j'avais mis Titi gilet jaune. Lui, il faisait des murs végétaux. C'était un altermondialiste. Il était très ouvert à la discussion. Il voulait acheter du terrain pour faire du cannabis thérapeutique. Voilà, je dirais lui, entre autres, c'est celui qui m'a le plus marqué. J'ai rencontré des gens pour eux, c'était une initiative citoyenne. Pardon. Et ils n'avaient pas la sensation de faire mal. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas la sensation de faire mal. Tous les samedis, quand je suis fermé, vous avez 50 personnes qui viennent me voir. Monsieur, merci, vous nous avez aidés. On est désolé pour vous. Tous les gens veulent me remercier. Je leur dis toujours, je ne vous ai pas aidé. Il fallait que je survive, j'ai ouvert mon bar. C'est ça, la vérité. Oui. J'ai fait comme j'ai pu. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui va vers de l'impopularité. Faites des choses pour redevenir populaire. Ouais. Et après, je vais terminer. Je vais dire le fond de ma pensée, et ça ne s'adresse pas à eux. Ça s'adresse aux gouvernants. Ça s'adresse, je le dis calmement, d'autant plus, aux gouvernants. Ça s'adresse aux nantis. Et pour ça, il faut avoir lu Capital du XXIe siècle, je pense, de Thomas Piketty, pour bien comprendre sur la répartition des richesses et du revenu, ce qui se passe quand tout ça est capté par l'actionnaire, surtout les gros. Le feu couve. Attendez-moi bien, parce que le feu couve. Et comme disait John Hallyday, il suffira d'une étincelle. On devrait toujours citer John Hallyday. Toujours, toujours j'ai cité la même la dernière fois pour ma chronique, qui n'était pas du tout sur le même sujet. Bon. Eh bien, Jacques, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour le bar Les Américains. C'est un endroit important dans Toulouse. Ah oui, c'est une, tout le monde connaît. De jamais avoir mis d'autres noms et tout, je trouve que c'est important de le garder comme ça. Bravo. C'est génial. Moi, tous ceux qui j'en parle, me disent « Ah, je connais, j'étais à tel moment. » J'en ai parlé à Edgar ce matin, un collègue du travail. Ouais. « Ben, je connais, j'étais, je suis allé manger à un moment. » Voilà. On a tous... Moi, les trois quarts de mes premiers rendez-vous, c'est chez vous que je l'ai fait. On va pas se mentir, mais c'est vrai. C'est très bien. Voilà, l'emplacement est bien. Et franchement, c'est pas pour faire de la pub, parce qu'il faut pas. Mais... Non, mais c'est pas du tout. Je suis pas venu non, mais pour ça. Vous, non, mais moi je le dis. Mais ça fait rien, on vous le dit quand même. J'ai envie de Je le dis quand même. J'ai envie de dire les choses un peu différemment que ce que j'entends. C'est-à-dire, c'est un point de vue. C'est-à-dire, je me suis fait mon propre point de vue parce que j'ai au moins suivi. Je pense 35 au moins de manifestations sur les 48. On a été gazé 47 fois. Oui, c'est ça, parce que beaucoup se font d'avis sans voir vraiment ce qui se passe. C'est ça, depuis le canapé, à la maison. C'est à la mode de parler. J'ai vu, j'ai vu toutes les évolutions des Gilets jaunes. J'ai vu une première délégation qui représentait quelques Gilets jaunes à la boutique Trey avec Umberto. C'était une dizaine avec le président de l'association des commerçants de Toulouse. Ensuite, j'en ai vu une trentaine à la CCI. Où j'avais dit la 12e, vous êtes dans l'échec, la 23e, vous êtes toujours dans l'échec. Vous êtes toujours sur le même mode opérationnel qui ne fonctionne pas, et je dis toujours la même chose. Voilà. Si vous lisez Stendhal, il vous dit, si vous faites tous les jours les choses de la même façon, vous aurez le même résultat. Si vous lisez Nietzsche, il vous dira que l'échec, c'est juste une indication sur le fait qu'il faut changer de méthode. Je ne veux pas mettre plein la vue sur dire en citant des personnes, mais moi, voilà, les références, c'est mon ancrage à moi pour raisonner, pour changer de chemin quand je suis dans l'erreur, c'est uniquement ça. Quand je cherche une solution, je la cherche autour de moi, ou je la cherche dans les livres. Je suis un amoureux de la lecture, vous avez peut-être vu. Voilà, on l'a un petit peu remarqué. Ouais. Voilà. Et de John Hallyday. Non, parce que il suffira il suffit d'une crise d'un type d'ampleur, comme je vous disais hier, de 2008, mais multipliée, puisque les erreurs ont été multipliées, pour qu'il y ait un embrasement général. Et quand je dis prenez garde, c'est que. En 1870, notre ami Napoléon, pour avoir voulu déclarer la guerre à l'Allemagne, partait en exil en Angleterre. Voilà. Il a été capturé à la bataille de Sedan. Ah, mais là, l'Angleterre, elle sort de l'Europe, tout ça, c'est compliqué. Oui, je ne sais pas si ce n'est pas eux les plus intelligents. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup. On va finir sur ça et on passe à la suite. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous nous écoutez à la radio, vous appréciez Pierre-Nicolas vous manque. Retrouvez-le en live sur Facebook. Et on passe tout de suite. On parle un petit peu musique, on change d'ambiance. Il me regarde, c'est à moi. Avec toi, Pierre-Nicolas, voilà, c'est, c'est ton moment. Et alors, je me suis pas embêté. La semaine dernière, vous avez eu droit aux chansons à la télévision, que ce soit comme générique de feuilleton ou alors d'émission. Et bien, cette semaine, ni vu ni connu, je te fais pareil. Mais non plus à la télé, mais au cinéma. On va commencer par une chanson sortie de nulle part. Elle va faire un tube. On est en 1976, deux ans plus tôt, la chanteuse hispano-britannique Janet l'avait sortie en Espagne dans une indifférence totale. Ça va faire un carton. Le titre, c'était Por qué te vas. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Voilà, laisse un petit peu doucement derrière moi en tapis. Ça vous plaît d'abord vous découvrez, ça vous plaît? Oui, bah voilà, alors moi aussi ça me rappelle des souvenirs. Vous allez me dire, mais que s'est-il passé pour que le monde s'entige de cette mélodie, mais simplissime, pas de gros producteurs derrière, pas de grosses maisons de disques? Eh bien, cette chanson s'était retrouvée au milieu d'une scène très mignonne d'un film plutôt sombre. Le film, c'était Cria Cuervos de Carlos Saura. Alors, film espagnol. Il y avait des scènes un petit peu bizarres. On voyait une jeune fille qui sortait des pattes de poulet d'un frigo. À l'époque, on en parlait tous en disant mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, le réalisateur. Franco venait de mourir. Et cet été-là, l'été 76, eh bien, l'Espagne était à la mode. Le succès tient parfois à peu de choses. Et dans cet exemple, les deux, le film et la chanson, en ont profité. Deuxième extrait. Alors évidemment, énorme carton en 1985, petit test, c'est la musique de quel film? Ouais, non de Zeus. Retour vers le futur 1. Et ce qui est cocasse, c'est que cette chanson ne figure pas dans le film, figurez-vous. On ne l'entend pas, elle accompagne seulement ce qu'on appelle le générique de fin, le déroulant avec tous les noms. La musique est pourtant très présente dans ce film où on entend une parodie de Johnny B. Goode sur scène avec Michael J. Fox et aussi un titre ska, alors ça c'est très étonnant, d'Eric Clapton. C'est la chanson de Huey Lewis, de toute façon tubesque, ça aurait fait un tube, qui est restée dans les mémoires. Troisième exemple. On ne présente plus la bande originale de Saturday Night Fever. Il y a dedans 4 ou 5 titres. Je ne sais pas, ça dépend de la façon dont on compte. En fait, il y en a 7. Parce qu'ils ont rajouté les Bee Gees, des chansons qui étaient anciennes. 45 millions d'exemplaires, ça vous dit quelque chose? Vendu, hein. Le règne du disco, début 77, les Bee Gees sont en France, en studio, au château d'Hérouville. Leur manager les appelle au téléphone. Alors, ils doivent se parler comme ça. Coco, je viens de signer pour la bande originale d'un film sur la danse disco. Et là, il leur dit, il me faut 5 chansons avant la fin de la semaine. C'est ça qui est drôle. Et ils vont sortir Staying Alive en quelques jours, même en quelques heures. En fait, Staying Alive aurait dû s'appeler Saturday Night parce que c'est inspiré d'une autre chanson. Saturday Night. Et ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils l'ont gardé pour le titre du film. Ils l'ont appelé Staying Alive. Il y avait aussi More Than a Woman, Night Fever, etc. Le détail qui tue. Les chansons n'ont pas été enregistrées dans un studio. Les Bee Gees, qui n'étaient pas des gamins en ce qui concerne le travail d'enregistrement, ont tenu à les enregistrer dans un escalier parce que le son était meilleur. Alors, détail sur la musique disco, le batteur est tombé gravement malade dès la première session. Ce qui fait que les 5 chansons que je viens de vous citer ont toutes la même ligne de batterie, à savoir celle de la musique disco, qui de toute façon était la même d'une chanson à l'autre. Je veux le titre, l'interprète et le film. Il y a une arnaque, il y a forcément une arnaque. Bodyguard. Moi je connais du Bodyguard. Bodyguard. Je le Bodyguard. Jacques. Bodyguard, ouais. Il y a une arnaque ou pas? Le titre? Mais tu te méfies de moi. Non, il n'y a pas d'arnaque, moi. Bah non, Whitney Houston. Voilà, vous vous méfiez de moi. Alors ça aussi, c'est une drôle d'histoire. Ce film sort en 1992 avec Kevin Costner et Whitney Houston dans son propre rôle. C'est un vieux projet, en fait, à l'époque, il y a déjà une vingtaine d'années. Ça remonte à 1975. On devait tourner un film qui s'appelait The Bodyguard avec Diana Ross dans le rôle de la chanteuse. Et Kevin Costner, non? Non, Steve McQueen. Steve McQueen, mais tu as raison, effectivement, c'était des pointures. À l'époque, ça s'est pas tourné parce que ça passait pas bien, un homme blanc avec une femme noire, figurez-vous. Hollywood, hein. Ah oui. Voilà. Mais la chanson originale, elle, 20 ans auparavant, était déjà là. Et là, vous vous dites, damnette, comment c'est possible? Whitney Houston l'avait pas encore interprétée en 1975. Ben non, la même chanson était chantée en 1974 par Dolly Parton. La preuve. And yet, I know. That I'll think of you each step of the way. And I will always love you. I will always love you. Voilà. Madame Choucroute, blond platine à forte poitrine. Je préfère l'autre version, moi. Ouais, plus puissante. Ouais, alors, en fait, quand on écoute la version de Dolly Parton, elle y met plus d'émotion aussi, peut-être, dedans. Et puis, de toute façon, c'était pas la mode de brailler dans les chansons. Ouais, mais là, elle chouine. C'est plus fragile, peut-être. Bon, elle chouine un peu, c'est vrai. En tous les cas, c'est une des BO, une mode de bande originale qui s'est le mieux vendue aux USA. Hunger for your touch. Alors, c'était pour quel film, cette chanson-là? Ghost. Oh, Ghost, exactement. C'était le film Ghost, les Righteous Brothers, The Unchained Melody. Là encore, beau mini-mélo de l'industrie musicale, passant sur le fait que les Righteous Brothers ne sont absolument pas frères du tout. Et en plus, sur les deux, il y en a qu'un qui chante. Voilà. Ce titre date de 1955, pardon, et il apparaît quelques secondes dans un autre film intitulé au milieu des années 50, Unchained. Ça se passe en prison et c'est son interprète de l'époque originale, Todd Duncan, qui le chantait dans le film. Oh my love, my darling, I've hungered for your touch alone. Alors à mon avis, tout le monde préférera la version des Righteous Brothers, qui est quand même plus produite, plus facile à écouter. Cette chanson n'avait pas de titre à l'époque. Et là, vous allez comprendre. Lorsqu'elle a été reprise 30 ans après par les producteurs de Ghost, ils l'ont appelée The Unchained Melody, la chanson du film Unchained, dans lequel jouait le monsieur qu'on entend chanter en ce moment. Oh là là, il y a un malheur. Je viens de me rendre compte. Oh, j'ai complètement oublié de vous parler des Beatles aujourd'hui. Que when you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever changing world in which we live in makes you give in, say live and let die. Live and Let Die. On est en juin 1973, c'est pas les Beatles, hein, c'est McCartney avec Lewis et sa femme qui jouait dedans. Live and Let Die, vivre et laisser mourir, c'est la bande originale et le titre du James Bond qui porte ce titre. Je vous en parle, il y a un détail amusant. Ce titre qu'on entend en ce moment est très très produit par George Martin, l'ancien producteur, Sir Martin, l'ancien producteur des Beatles. Et ce qu'on appelle le pont, on l'entend un petit peu en ce moment, a servi aussi de générique à une émission politique française, sauras-tu la reconnaître? Bonjour. L'événement international de la semaine, c'est bien évidemment le face-à-face entre les Israéliens et les Arabes. Ça rigolait pas, hein, le face-à-face entre les Israéliens et les Arabes. Qui a reconnu l'émission? C'est Fort Boyard. Non, c'est pas ça, c'est pas Fort Boyard. C'est l'heure de vérité. L'heure de vérité, ah. François-Henri de Virieux. Et ils avaient récupéré cet extrait de la chanson de McCartney. Alors, on parlait des James Bond. Voulez-vous que je vous raconte, vous avez un peu intérêt à me dire non, que je vous raconte l'histoire de ce générique de James Bond mondialement connu? Oui, vous voulez? Oh oui, allez, raconte-moi. Allez, allez, allez, vas-y, balance. Alors oui, c'est beau comme une bande-annonce de Anaïs Gérard. Le compositeur, son nom figure dans tous les James Bond depuis longtemps, hein, depuis Dr. No, c'est-à-dire un des premiers, c'est John Barry. Vous avez tous vu son nom dans tous les films. Le fameux John Barry dans tous les films ou surtout les disques. Eh bien, vous vous trompez, figurez-vous que c'est pas lui qui touche les droits d'auteur. Ça, c'est une drôle d'histoire. C'est pas lui qui touche les droits d'auteur et c'est pas lui qui a écrit cette musique. Ouais. John Barry n'est que celui qui a amélioré une composition qui avait été apportée par un certain Monty Norman. Alors lui, Georges Bob, vous le connaissez pas, mais il a gagné des sous toute sa vie parce qu'il est l'auteur de cette musique. Le truc, il apporte une première maquette au producteur de James Bond, Monsieur Broccoli, hein, j'aime toujours le citer. ils lui ont dit, ouais, c'est bien, on prend. Et puis discrètement, ils ont demandé à John Barry de revenir et de faire des fioritures et de le réorchestrer. L'autre, il l'a découvert en écoutant le film, mais c'est lui qui a touché les droits d'auteur showbiz dans l'univers impitoyable. J'avais promis de ne parler que de cinéma, j'ai quand même terminé avec un mot sur une comédie musicale française qui était passée uniquement à la télé. Je suis la fille que l'on les Adley Davidson, les BMW, Ah, je l'écouterai en entier celle-là parce que je l'adore, j'adore cette chanson. C'est l'actrice Anna Karina qui chante. C'est extraordinairement actuel comme son. Ça date de 1967. Le téléfilm qui était passé à la télé à l'époque s'appelait Anna. Ça sonne encore très moderne, très actuel. Et c'est évidemment Gainsbourg qui avait fait les chansons et qui avait signé en particulier cette mélodie venue d'une autre planète. Tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel sous le soleil exactement. Broum. C'est brum de la chanson. C'est un tube, c'est le coup parfait. À l'époque, en 67, Gainsbourg est en pleine création musicale. Ouais. Oui, il y a des petits bruits. Et voilà, et c'est tout. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Pour aujourd'hui. Eh ben, terminé. Merci beaucoup, voilà. Pierre. J'en ai pas écrit plus. Ça a fait... Radio Péro. Radio Rigolo, merci. Merci beaucoup. On passe à la suite. Toujours en musique et toujours sous le soleil, exactement. Mais cette fois-ci, avec Clara et Louchani, on passera. Ah, la suite. Elle a repris la même chanson. Ah, bah, je suis curieux d'entendre ça. Et on continue avec cette version. Exactement. Vous aimez Faut se le dire à la radio ? Vous nous adorerez en live sur Facebook. Et oui, c'était sous le soleil exactement. Mais ça se terminait mieux que ça avait commencé. Une autre. J'ai eu la plus grande crainte au début. Une autre version avec Clara Luciani. Clara Luciani, ça elle sait y faire, c'est pas la ça question. Ça finit toujours bien, bon, je l'aime énormément. On va passer à la suite avec toi, Ginger. J'attends juste que tu finis ton verre d'eau. Je finis ma chips. Ouais, tu finis ta chips. C'est le verre. C'est bon. Et c'est à toi, c'est ton moment. Ouais, non, mais moi, c'était juste une petite info que j'ai trouvée dans les infos, quoi. Ouais. Comment ça, il n'y a pas de jingle ? Comment ça, il n'y a pas de jingle ? Bah, tu te débrouilles, tu nous fais un jingle. Le jingle, ouh ! Oui. Voilà. Merci. Le pire, c'est le silence qui suit. Mais bon, voilà. C'est horrible. Ça pour ça. Ça veut tout dire. Bon, je commence par laquelle ? Allez. L'une ou l'autre ? L'info. Moi, je sais qu'il y a une info métro. Il y en a deux. Non ? Non, pas du tout. Pas non, ça. Je vous le dis à vous, entre vous. Mais ah, ça c'était va. Entre nous. Ouais, c'était quoi l'info métro ? L'info métro, c'est un petit jeune qui a. Enfin, ils sont peut-être deux. Bah, c'est une info du coup que j'ai pas préparée. Et voilà. En fait, il a pris les bruits du métro toulousain. Ouais. Ah, c'est et, celui de Toulouse, d'accord. Et avec tous les. Ouais, c'est fait à Toulouse. Okay. Et avec tous les bruits, il a fait un espèce de montage. On peut le mettre ça a fait une chanson. Peut-être super déjà cool. Pour voir à quoi ça ressemble. Vous l'avez la musique ? On l'a la musique, mais je l'ai calée. Mais trop, on peut la caler un petit peu en fond, bien sûr. Ça s'appelle de la production. Mais vous m'écoutez quand je parle, en fait ? Ah, bah oui. Évidemment. Ah, j'écoute tout le temps. Beaucoup. On veut faire un effort, oui. J'écoute. Alors, c'est quoi ça ? C'est les bruits du métro. C'est les bruits du métro. Tout ça, c'est que des bruits du métro. Ils en ont fait. Ah oui, d'accord, je comprends. Ouais. D'accord. Il y a un moment un peu plus tard. On ne sait que dire. Il y a un moment un peu plus tard dans la chanson où on reconnaît vraiment les bruits du métro. Oui, là, c'est pas évident en première. Ouais, là, c'est le début de. Ouais. Écoutez-la tranquillou, mais vous la trouvez sur internet. Voilà. Et je crois que TCO a proposé de la diffuser. Diffuser, ouais, dans les métros. D'accord. La prochaine. D'accord pour la diffuser. Pour dire une connerie, on n'entend pas les gens autour, mais bon, ça, c'est. C'est pour dire une connerie. Voilà. Mais du coup, c'était mon info pas prévue. C'est l'info pas prévue. Eh bien, merci. Du coup, j'en ai d'autres quand même que j'ai un peu travaillé. On peut y aller. Est-ce que je peux vous le faire ? On peut y aller, on est dans les actes. Tu peux couper Cédric parce que, bon, parce après que là, j'ai pas de jugement sur cette chanson, mais. Voilà. Alors. Il est taquin, hein. On est le réalisateur de l'émission. Juste, on est un peu pressé. Ouais. On va y aller, les infos bah, sur les actus la de la semaine. Ouais, moi je voulais dire que j'en ai vraiment trop ras le bourrichon des Gilets jaunes. Que je trouve que ça commence vraiment trop à vraiment trop bien suffire. Parce qu'à cause d'eux, il y a trop plein de problèmes. Déjà, il y a des gens, ils peuvent même pas faire du shopping parce qu'ils se font gazer. Et puis maintenant, ils séquestrent des femmes de ménage. Non, mais je vous jure que c'est vrai. En fait, ça s'est passé vendredi devant mon magasin préféré, la banque LCL d'Alsace-Lorraine. Et c'est près du H&M, mais je citerai pas de marque. Et il y a un menuisier, en fait, qui est venu gentiment barricader la banque. Parce que, tenez-vous bien, les gilets jaunes, ils s'attaquent même aux banques. Sérieusement, ils ont que ça à faire. Mais comment ils font après pour dépenser tout leur argent, en fait ? Enfin, bon, bref. Donc, le monsieur, il vient, il barricade, mais le problème, c'est que sûrement, à cause d'un gilet jaune qui devait crier « nique la police », il n'a pas entendu que la femme de ménage était encore durement en train de travailler, contrairement à certains. Donc, lui, Bah après, il devait regarder Touche pas à mon poste, donc il est rentré chez lui, normal. Et là, la femme de ménage, elle avait plus grand chose à faire une fois qu'elle était coincée dans la blonde toute propre. Ouais. Du coup, elle a tapoté sur la barricade, qui aurait pu quand même la protéger malgré tout, et voire même lui sauver la vie pendant ce week-end de folie meurtrière, agressive et sauvage des Gilets jaunes. Mais elle devait rentrer pour regarder Plus belle la vie. Du coup, il y a un gentil passant, sûrement pas un gilet jaune à mon avis, qui a appelé la police, qui a débarqué pour sauver la jeune dame en courant. Puis après, ils ont mis plus d'une heure, mais c'est parce qu'en fait, ils étaient loin. Bref, la police a sauvé la femme de ménage, le menuisier a regardé Cyril Hanouna, et les gilets jaunes, c'est toujours de leur faute. Voilà. Voilà, du coup, merci beaucoup. Merci. Et c'est une vraie info, hein. Ouais, je sais, j'avais vu passer ça et j'avais complètement oublié de la prendre pour le vrai faux, quoi. J'en ai une autre si tu veux, mais si Allez, tu veux, je la fais pas. C'est parti. Non, c'est bon, on peut. Ouais. Vas-y. Bah ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Alors je vais parler de Carrefour. Oui. Et qu'il n'y a pas que du négatif, quand même. Ah, hein, j'avais une autre info sur Carrefour, là. Ouais, mais oui. Est-ce que vous savez que 29 kilos, c'est le poids moyen de nourriture jetée par an et par habitant en France? Eh bien, j'avais la même info. Des copains d'infos. Oui, des copains d'infos. Du coup, tu l'as fait ou je l'ai fait? Ah ben, vas-y, fais-la. Allez. Fais-la. 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers est dû à une mauvaise compréhension des dates de péremption. Et là, la loi a récemment permis, en fait, aux grandes surfaces de supprimer des dates de péremption sur certains produits secs. Donc Carrefour, du coup, l'a enfin fait sur le sucre, les bonbons ou le vinaigre. Après, il pourrait aussi le faire encore pour les pâtes, le riz, les lentilles, tout ça, mais il faut attendre parce que la loi ne le permet pas encore. Mais c'est cool, ça évolue. Oui, ça ne se périme pas, le sucre ou les bonbons. Non, ça ne se périme pas, reste, il suffit de bien conserver, en fait, tout simplement. Oui, à la rigueur, si les bonbons ils sont un peu moins bons, voilà. Mais voilà, ça peut se garder des années. Alors, malade en mangeant ça. Après, il y a aussi y a deux autres trucs qu'ils ont fait dans le même truc. C'est qu'il y a la date limite de consommation. Ça, c'est la date où il y a écrit « à consommer jusqu'au ». Ça, sur les lardons, le beurre, le jambon, ça a été prolongé de 20 jours, sur les mentales de 10 jours, sur la crème 5 jours. Ce qui est génial, parce qu'on se dit pourquoi on l'a pas fait avant si on pouvait le faire déjà. Oui. Mais, ça éviterait du gaspillage, effectivement. Et voilà. Donc, ça, c'est aussi une super bonne nouvelle. Et il y a le directeur de développement durable de chez Carrefour qui dit: nous avons décidé d'étendre à tous nos magasins la vente des produits jusqu'à un mois après leur date. Ce qui va permettre de faire comprendre aux consommateurs que cette date n'est pas obligatoire. Ce qui est une très bonne chose. Et comme on disait, en fait, c'est que des fois, juste ça va changer de couleur ou ça va. Mais c'est tout à fait mangeable. Donc c'est bien de le savoir. Et c'est bien de laisser le choix aux consommateurs, je trouve, de faire ça. Et dernier truc, est-ce que vous saviez que c'est la petite info en plus que je vous rajoute, c'est cadeau. Le petit plus de la maison. Le petit plus, exactement. S'ils ne sont pas ouverts, les produits laitiers, donc lait, yaourt, crème fraîche, fromage. Tout ça, ça peut se consommer une à deux semaines après la date, dans tous les cas. Oui, mais les yaourts, c'est de la folie. Presque un mois après, c'est toujours mangeable. Bah après, des fois, si on n'est pas sûr, dans le doute, bon, tu renifles. Mais bon, dans le doute, voilà, ça peut quand même être dangereux. Mais en tout cas, ouais, deux semaines, facile. Après, tu peux le manger, en fait. Donc, arrêtez de gaspiller quand vous ne savez pas. Renseignez-vous. Je trouve qu'on n'est pas assez informés là-dessus. C'est aussi à nous d'être curieux. En tout cas, c'est une bonne chose. Et c'est cool que ce soit la loi qui permettent de faire bouger ça. Des fois, on se demande un peu dans l'écologie, est-ce que c'est à nous d'abord de le faire pour que la loi suive? Est-ce que c'est bien que la loi prenne le devant et que du coup, après, ça se fasse? Moi, je trouve que c'est cool. Et on n'avait pas du tout la même info, en fait. Ah bon? Parce que j'avais entendu Carrefour, j'avais entendu produits alimentaires et tout ça, et je me suis dit, mince, on a la même. Oui. Et non, parce que même s'ils font des choses, Paris, deux enseignes, Franprix et Carrefour, épinglés pour gaspillage alimentaire. Ah. Voilà, plus de 50 kilos de nourriture consommable jetée à la poubelle. Voilà, je voulais aussi donner cette info en parallèle, parce qu'elle est tombée tout à l'heure. Je me demande encore comment, en 2019, on est capable de faire ça. On est capable tu te rends compte que t'as niqué l'ambiance, là? Complètement. Je venais de relever un peu l'émission, là. Alors, c'était positif. Alors, mais oui, mais on va un petit peu rigoler quand même aussi encore, parce que je comptais faire mon coup de gueule sur les pompiers. Je pense que je le ferai quand on aura le syndicat pompier. De pompiers avec nous, qui sera sûrement avec nous la semaine prochaine. Il sera avec nous pour en parler. Voilà, comme je vous ai dit, je l'ai eu au téléphone hier soir. Là, pour des raisons personnelles, il pouvait pas venir, mais il viendra la prochaine fois pour parler des conditions, des manifestations, de comment ils ont été reçus par la police. À Paris, voilà. Ouais. Moi, il m'a dit, je vous le dis comme ça, il m'a dit, j'en veux pas aux policiers vraiment ce qui s'est passé. C'est juste que tout le monde est à bout, tout le monde finit par se foutre sur la gueule, et voilà, et c'est l'effet de foule qui fait dégénérer. Du coup, on va passer à des infos rigolotes avec l'insolite de l'actu, un petit jingle, n'importe lequel. Vous aimez Faut se le dire à la radio ? Vous nous adorerez en live sur Facebook. Et parce qu'il reste 10 minutes avant la fin de l'émission aussi. Donc voilà, on se fait un petit insolite de l'actu. Bah, c'est pas compliqué, c'est des actus et elles sont insolites. Voilà, tout simplement. Je pense que l'explication ne peut pas être plus claire. Arles, un trafic de croquettes démantelé grâce au flair des gendarmes. Oui, c'est une vraie info. 30 millions d'amis, ouais. La petite musique. Non, mais il faut que ça dure 10 minutes chaque info, tu sais, alors. Ouais. Ah, 30 minutes. Et oui, 5 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire par les militaires de Vauvert, oui, quand même, épaulés par leurs homologues de la gendarmerie d'Arles et les maîtres chiens de Nîmes, selon les informations communiquées par les gendarmes du Gard. Dans le Gard, pardon. Perquisition, voilà. Les perquisitions ont permis de découvrir près de 320 sacs de croquettes, soit plus de 2 kilos pour une valeur marchande estimée à plus de 10 000 euros. Par ailleurs, les enquêteurs ont retrouvé 250 grammes d'herbe de cannabis, au passage, grâce à l'équipe Sinophile. Les mis en cause sont soupçonnés d'avoir dérobé des sacs de croquettes durant leur acheminement. L'un d'eux est accusé d'avoir revendu la marchandise sur internet à bas prix. J'imagine quand tu vas en prison et que t'expliques pourquoi t'es là au plus costaud et que tu sais pas trop quoi lui répondre en ce moment là. Ouais. Trafic de croquettes. Trafic de croquettes. C'est dingue. Voilà. La Bourgogne va envoyer du vin à Trump. On veut toucher la corde sensible du président pour qu'il change d'avis sur les sanctions, affirme un vigneron. Voilà, c'est le département de Côte d'Or qui va envoyer deux bouteilles de Bourgogne au président américain Donald Trump pour tenter de le faire changer d'avis sur les sanctions douanières contre l'Union européenne, voilà, qui doit viser le vin français. Ouais, c'est bien, il suffit de dire des conneries, on t'envoie des bouteilles de Bourgogne. Ouais. Moi, je pense que le Bourgogne est dégueulasse. Voilà, du coup, voilà, alors du mon coup, adresse, envoyez, vous l'envoyez directement sur Radio Occitanie, sous centre d'Assali. Une ou deux bouteilles, bien évidemment, et buvez avec modération. Oui, c'est non, vrai. Et puis boycotter le foie gras. Et puis boycotter le foie gras, c'est pas bien le foie gras. Voilà. Alors là, l'herbe de cannabis. Voilà, on sera. Ouais, moi, je fume pas. Mais allez, tout ça est modération. Toulouse, jouer avec 3 millions de briques. Vous pouvez jouer avec 3 millions de briques à partir de samedi. C'est une première en France à partir de samedi. Donc celui-là, moi, je serai pas là. C'est dommage. J'ai jusqu'au 27 octobre. L'univers des briques s'invite au parc des expositions de Toulouse. Il faut en profiter parce que bientôt il changera. Non, en gros, non, mais c'est vrai que c'est pas très Lego. C'est quoi les briques? C'est de l'argent. Non, en réalité. C'est des Lego en réalité, mais ils ont dit justement que c'était pas Lego pour éviter les problèmes de marque et tout ça. C'était juste pour vous amuser, pour les gosses, amnésie, voilà, vous ferez plein de choses. Mais c'était visuel, surtout cette info est complètement pourrie, je l'ai écrite à 1h du matin. On reste dans les briques, ni Toulousaine ni Lego cette fois. En rangeant sa voiture, un Lot-et-Garonnais retrouve un ticket à gratter et gagne 500 000 euros. Oh. Ça fait combien en briques, ça, justement? En briques, je sais pas. Et il est descendu de sa bagnole, il est garé, d'un coup, il s'est dit ça, un billet par terre. Et 500 000 patates, ouais. 500 patates. Non, c'est 500 patates. 52 plaques, non, c'est ça? Comment? C'est 52 plaques, non? 500 000, enfin, je sais pas. Fait combien en plaques, en patates? Je sais pas en patates ce que ça fait. Allez, on part. En jacuzzi, ça fait beaucoup. On part sur les terres de l'oncle Sam. Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. Deux jeunes hommes ont récemment été interpellés en Floride après avoir versé de la bière dans la gueule d'un alligator et que l'un d'eux avait attrapé à main nue. Il faut être américain pour faire ça. La soirée était bien avancée, c'était le 26 août dernier, dans la ville de Palm City, au nord de Palm Beach, en Floride, lorsque Noah Osborne, 22 ans, s'est saisi à main nue d'un alligator. Son ami Timothy Kipps, 27 ans, a ensuite poussé l'animal à lui mordre le bras avant de lui verser de la bière dans la gueule. Selon une vidéo de l'incident mentionnée dans le rapport de l'agence environnementale, l'alligator a alors agressivement réagi, tu m'étonnes. Et voilà, il a quand même été libéré. Cet alligator, et il ne souffre de rien, ils l'ont pas bourré, pas assez bourré, il a pu repartir. Comme l'aurait dit Ginger il y a quelques semaines, heureusement que c'était pas un hamster. Heureusement que c'était pas un hamster. Merci beaucoup, on se remet le petit American Dad. Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face, and he's shining a salute to the American race. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Bon, elle n'est pas tout à fait terminée. Jacques, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des projets personnels, des projets professionnels? D'être en bonne santé, ça me suffit. D'être en bonne santé. J'ai un petit garçon de 16 mois, que ça se passe bien. Tout va bien. Et que ça s'arrose. Que ça s'arrose. Avec modération. Ça finisse à l'apéro avec tout le monde, avec les gilets jaunes. Non, mais surtout, j'aimerais que le sort des autres commerçants s'améliore. La vie de tout le monde. De tout le monde s'améliore. Moi, j'ai eu un petit garçon de 16 mois. Alors que j'ai 53 ans, le bon Dieu m'a donné ça. Je n'ai pas le droit de me plaindre. En fait. Ouais. Vous ne les faites pas. Ils sont là. Tu fais pas non plus, t'es 80 ans. Super. Hein. Je vous ai pas dit, moi j'ai un grand bonheur cette semaine. J'ai entamé la. Alors vous savez que je restaure des motos anciennes. Oui. Et j'ai entamé la restauration d'une. J'ai un nouveau projet. D'une moto que j'ai achetée, mais alors elle n'existe pas la moto quoi. Et je refais tout de A à Z, c'est une Kawasaki 650 de 1977. Alors c'est un 4 temps, j'ai beaucoup fait des 2 temps jusqu'ici, une douzaine. Ça, puisqu'il paraît, c'est plus compliqué les 4 temps. C'est quoi la différence C'est non, pas être nos agazons les 4 temps. Bah, les 2 temps, c'était les moteurs des mobilettes, c'est des moteurs dans lesquels il n'y a pas de soupape, il n'y a pas de chaîne de distribution. Ouais. C'est un fonctionnement très simple, mais qui est pas respectueux de l'environnement, qui consomme beaucoup d'essence et qui ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, tu trouves des 2 temps anciens, des années 60 ou 70, quand moi je les retape. Il y a tous les meilleurs mécanos du monde qui sont passés dessus, qui ont, etc. Mmh. Le 4 temps, comme c'est très fiable et que ça marche tout le temps, les gens n'y touchaient pas. Et tu trouves aujourd'hui des motos, certes, à réparer parce qu'elles ont trop roulé, puis elles sont anciennes, puis elles ont été oubliées au fond d'un garage. Mais tu trouves des motos en bien meilleur état et qui coûtent bien moins cher à restaurer pour un résultat quasiment équivalent. Et donc, je me suis lancé dans la restauration. Alors, j'en suis en ce moment à tout démonter, les pièces à commander sur eBay, tout que j'ai pas à trouver toutes les pièces introuvables et tout, c'est un vrai bonheur. Je souhaite à tout le monde d'avoir une passion comme la mienne. Moi, je suis en train d'apprendre le ukulélé. La moto de l'époque. Oui, c'est des motos années 60-70. C'était vraiment la moto que tout le monde voulait à l'époque. Ah bah, moi, c'est les motos que je me suis badé dans les vitrines. Quand un mec avait une moto dans une ville de 60 000 habitants, tout le monde le savait parce que c'était hyper rare la moto à l'époque. Voilà. Et c'est ce que j'ai vu dans les vitrines. Et aujourd'hui, je me régale à retaper ça. Et je le refais comme elles étaient à l'époque, aussi belles. Et si possible, en aussi bon état mécanique. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre ? J'ai une info de dernière minute qui n'a rien à voir avec tout ça. L'actualité, non ? L'actualité, c'est BFM. Là, je viens d'ouvrir. Syrie, le vice-président américain annonce un cessez-le-feu après sa rencontre avec Erdogan. Voilà, la Turquie va mettre fin à son offensive en Syrie. Après un retrait des forces kurdes, a fait savoir le vice-président américain à l'instant. Voilà, l'info vient de tomber, je l'avais sous les yeux, donc je me suis permis de la donner. Une belle info pour terminer. C'est une belle info pour terminer, en espérant bien évidemment que tout ça cesse. Et voilà, je sais, ça fait con de dire ça, mais qu'il n'y ait plus de guerre et que tout le monde s'aime. Et que tout le monde soit heureux. Et que tout le monde soit heureux. Exactement, c'est beaucoup plus agréable. Franchement, c'est beaucoup plus agréable. Utopie. Ah oui, non, mais il n'en sort pas, lui. Mais c'est vrai, voilà, ça serait bien. On se dit au revoir. Moi, je vous retrouve demain. Les auditeurs, pardon, je regarde tout le monde autour de la table. Non, il n'y a pas un autre se lever, non. je vous retrouve demain le matin et le soir. Merci beaucoup pour une matinale best-of. Et dès lundi, on sera ensemble le matin, le midi et le soir pour une semaine, plus le jeudi. Dans Faut se le dire. Martin vient de m'écrire. Il est avec Big Flo et Oli. Il a eu papa de Big Flo et Oli, Fabien Ordonez. Et on aura tout ce qu'il faut pour la semaine prochaine avec de l'actu, de tout ça, de l'album qui va sortir. Il y a beaucoup de Claude Nougaro dans cet album. La semaine prochaine, on sera aussi avec Mathieu Arnal. Mathieu Arnal sera avec nous la semaine prochaine. On peut le retrouver aussi sur Radio Présence. Il a écrit un livre sur les 50 Toulousains les plus connus. Ouais. C'est ça, ou les plus importants. Je crois. Enfin, il nous en parlera. Oui, il nous expliquera tout ça. Je suis très content de le recevoir. Bravo pour l'avoir invité. Moi, j'avais invité plein de fois et c'est vrai que nos horaires ne correspondaient jamais avec Fosfélière parce qu'il est en face dans une très bonne émission culturelle aussi sur Radio Présence. Voilà. Et je suis très content qu'il soit avec. Parce que nous, c'est une émission culturelle. Ah bah je l'apprends. Mais grave hein. On a de la musique dedans. Merci beaucoup Cédric à la réalisation. Merci Anaël, merci toute l'équipe, merci Jacques. Et, et on vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Et on se retrouve pour Faut se le dire la semaine prochaine. Vous pouvez reprendre une activité normale. Ciao, bonsoir. Bisous. Ciao. Ciao.